Rex Quondam, Rexque Futurus. Épisode spécial, Camelot, livre 1 à 4. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Nous nous voyons de nouveau pour une fois après cette espèce de confinement avec le relâchement des mesures de sécurité. Nous nous voyons dans la vraie vie, mais nous allons pouvoir continuer à expérimenter les joies de la conversation à distance parce que cet épisode, nous le faisons avec des invités. Eh bien oui, vu que pendant le confinement, on n'avait pas tellement accès très facilement à nos bibliothèques et que la seule pile de livres qu'on avait, c'était nos livres de littérature arthurienne allemande, puis qu'on s'est dit que ça vous ferait un peu, ça vous barberait si on venait sur les exacts mêmes sujets une deuxième fois, on s'est dit qu'on allait vous parler de quelque chose auquel on avait accès sans avoir besoin d'aller à la bibliothèque, puisqu'il s'agit de la série Camelot, à l'occasion, entre autres, de la sortie prochaine, repoussée, malheureusement, mais prochaine, du film commencer l'achèvement de la série. On connaît les excuses de Monsieur Astier. Les cinémas sont fermés. Voilà. Donc si à la base on avait prévu de faire cet épisode plus ou moins à ce moment-là de l'année parce que le film devait sortir en juillet, mais il a été repoussé après avoir été avancé. Donc ça va, c'est pas trop dramatique non plus. Il devrait sortir, je pense, à l'automne. Mais du coup, autant prendre de l'avance, autant commencer, et autant en profiter pour avoir des invités. Et qui de mieux que nos invités pour nous parler de Camelot et de ses rapports avec le reste de la matière de Bretagne, puisque nous avons avec nous Justine Breton et Florian Besson. Alors bonjour Justine, bonjour Florian. Bonjour. Bonjour. Justine est une invitée connue de Rex Quondam, Rexque Futurus, puisque c'est ta troisième apparition dans notre podcast, après un épisode consacré justement, entre autres, à Camelot, un livre d'histoire, le livre que vous avez co-dirigé sur les rapports entre Camelot et l'histoire médiévale, et le Moyen-Âge en général. Et puis ton apparition dans notre épisode en live où on avait disséqué le film Excalibur de John Boorman. Florian Besson, bienvenue du coup, c'est une grande première. Bienvenue dans Rex Quondam, Rexque Futurus. Merci beaucoup. Florian Besson, qui est donc, tu es historien, spécialiste un peu en plus du sujet de la fantasy et de ses rapports avec l'histoire, je crois, de l'Orient, des États latins d'Orient et des croisades sur lesquelles tu as aussi travaillé. Absolument. Et du coup, cette année, vous sortez un nouveau livre sur le sujet justement de la fantasy et ses rapports avec l'histoire, une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones, qui parle donc de la série de HBO et la série de livres qui lui a donné naissance de George R.R. Martin. Donc j'imagine sur le rapport entre le Moyen-Âge et l'usage qu'en fait Game of Thrones et la série de livres, des séries très médiévisantes. Tout à fait, c'était l'idée de savoir comment la saga littéraire de George Martin, hein, Le Trône de Fer, et l'adaptation qu'en a été faite ensuite par HBO, comment ces œuvres-là utilisent, comment elles s'emparent du Moyen-Âge pour créer ce monde de fantasy, savoir ce qui est retenu du Moyen-Âge, pourquoi ces facettes-là et pas d'autres. Voilà, c'était une façon d'explorer un petit peu le Moyen-Âge au prisme de ce qui en est fait, de ce qui est proposé par Game of Thrones. Voilà, alors on revient du coup pour vous sur des terrains de recherche un peu plus anciens, puisque Camelot, un livre d'histoire, est paru en 2017. 18. Bon, pas si ancien que ça tout de même. Camelot, un livre d'histoire, était issu d'un colloque, si j'avais bien suivi, sur Camelot et le Moyen-Âge. Est-ce que vous avez continué à travailler comme ça pour votre ouvrage sur Game of Thrones, ou est-ce que c'est là purement un ouvrage, un duo en fait, qui écrit à quatre mains? Là, le livre pour Game of Thrones, c'est effectivement juste un livre écrit à quatre mains qui vient pas d'un colloque, alors que, comme tu l'as très bien dit, le livre sur Camelot, c'était les actes en fait d'un colloque tenu à la Sorbonne en 2017, et qui n'était pas seulement un colloque invitant des historiens et des historiennes, puisqu'il y avait aussi des sociologues, des musicologues, ce genre de choses pour essayer en fait vraiment de penser la série sous les angles. C'est assez intéressant ce que tu dis, justement, parce que ces multiples angles d'approche, ça reflète finalement assez bien ce qu'il faut faire avec Kaamelott, puisque Kaamelott, d'une certaine façon, c'est une œuvre, c'est évidemment une œuvre collective, c'est comme toute série TV, mais c'est aussi quand même l'œuvre d'un touche-à-tout aussi, quelque part. Kaamelott est une série d'auteurs, avec un grand A, on parle de... D'auteur, exactement, c'est mon historique de littérature anglaise qui revient là avec la théorie et le jargon, mais... C'est vraiment le cas avec Kaamelott, puisque c'est un peu un homme orchestre qui vient travailler dessus avec Alexandre Astier, qui est à la fois en partie réalisateur, qui, je crois qu'il n'a pas tout réalisé, mais qu'il en a réalisé plusieurs, qu'il est l'auteur principal, qu'il est le compositeur de la musique, qu'il joue le personnage titre, enfin le personnage central plutôt que le personnage titre. Joue Jean Kaamelott. Il joue Jean Kaamelott, exactement. Non, c'est vraiment une œuvre avec un auteur particulièrement fort, Kaamelott. Mais justement, qu'est-ce que Kaamelott ? Oui, bien sûr, oui, t'as raison. Effectivement, on ne peut pas parler de Kaamelott sans parler d'Alexandre Astier, puisque tu le dis, c'est une série dans laquelle il fait tout. En plus, c'est une série qui est extrêmement pensée. On sent en fait que très tôt, alors peut-être pas dès le début du premier épisode de la saison 1, mais en tout cas très tôt, Astier a eu une idée globale de la série. On sent en fait qu'il veut la mener quelque part, qu'il veut nous mener quelque part à travers cette série. Et on fait une série très construite, très écrite. Et c'est ce qui était intéressant aussi dans le colloque et dans le livre, c'était aussi d'interroger ça, en fait, d'interroger la façon dont cette série elle avait été vraiment architecturée par Alexandre Astier. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant et pertinent de pouvoir avoir une œuvre, qui plus est une œuvre, enfin une série télévisée, conçue, vraiment pensée par une personne. Alors certes, avec toute une équipe, hein, il y a un gros projet derrière, mais on a quand même une vision d'un auteur, d'un artiste derrière. Et de plus en plus intéressant à étudier, puisqu'on peut vraiment voir ce qu'il a voulu faire sur la durée, comment ça a évolué avec les différentes contraintes, etc. Mais du coup, on se retrouve avec quelque chose de très unifié, en fait, malgré l'étendue de la série, malgré la façon dont la tonalité hein, de Kaamelott a évolué pour passer de la comédie au drame, voire à la tragédie sur la fin. Malgré tout, on est quand même sur une œuvre très unifiée et donc à étudier, c'est quelque chose déjà tout à fait plaisant, premièrement, et qui est très pertinent parce qu'on peut vraiment voir là d'où il est parti et là où il voulait aller avec sa création. Mais justement, puisqu'on parle du trajet effectué par la série, puis qui va continuer hein, avec les films qui vont venir cette année, on pourra peut-être aussi en parler, ça peut être intéressant de se pencher justement sur le contexte d'apparition de Kaamelott, on va dire, c'est-à-dire c'est un bonhomme, un auteur avec une vision, mais sa vision, elle a dû d'abord s'exprimer dans un moule qui est quand même assez, peut-être assez contraignant, celui de la télévision française sur M6. On peut peut-être justement mentionner un peu comment ça a orienté un peu les débuts de Kaamelott. Oui, c'est peut-être une spécificité très française, en fait, ce format à la base qui intervient, c'est même très français, c'est même très, j'ai envie de dire, presque très années 2000, c'est ce besoin de la part de la chaîne M6 de remplacer une sitcom star, Caméra Café, qui occupe elle-même une espèce de créneau horaire assez particulier, juste avant le grand prime time, et par un format d'humour court. Et voilà, arrive cette série arthurienne, donc, puisqu'on n'a peut-être pas beaucoup parlé de Kaamelott en tant que série jusque-là dans cet épisode, mais pour ceux qui auraient vécu sous un rocher ou qui ne sont pas particulièrement familiers avec la culture française des années 2000, Kaamelott, c'est une série qui parle de la cour du roi Arthur à Kaamelott et des aventures de ses... Enfin, des aventures, surtout des disputes, parce que c'est vraiment dans des disputes, des relations interpersonnelles. On est vraiment dans une sitcom assez... classique finalement par des aspects, c'est pas vraiment une série d'action Kaamelott, tout le sel de Kaamelott est dans les relations entre le roi Arthur et ses chevaliers et sa famille. Comment c'est vraiment peut-être un ovni télévisuel, j'en parlais avec mon épouse Olivia qui vient des États-Unis et puis pour qui une série TV de 3 minutes 30 c'est quelque chose d'un peu étrange à voir, surtout au milieu des années 2000 avant que le format court par excellence soit devenu un genre avec Internet, avec YouTube et avec les web-séries, mais même le plus court, même avec des formats comme Vine, TikTok, aujourd'hui on avait même encore plus court que ça, même avec de la fiction. Simplement, voilà, à l'époque c'est presque c'est une particularité assez française finalement, le fait de devoir se mouler devant un format qui intervient juste à 20h40, juste avant qu'on rentre dans 2h30 de Prime. On a une série d'humour ultra courte qui vient s'insérer en succession d'une série elle-même déjà très établie. Et bah, tu le dis bien, en fait, il y avait un cahier des charges très précis pour les premiers épisodes de Kaamelott. Il fallait effectivement prendre la relève de Caméra Café. Il fallait que ce soit la même durée que Caméra Café. Il fallait également, et c'est une contrainte technique qui pèse sur la narration de la série, retrouver la même chose que dans Caméra Café, c'est-à-dire une caméra fixe face aux acteurs. Là, on le voit bien dans les premières saisons de Kaamelott, hein, en particulier le livre 1 et livre 2. En fait, on a très peu de décors. Très peu de changements d'une scène à l'autre, et on a cette caméra fixe, que ce soit dans la chambre d'Arthur et Guenièvre, dans la salle à manger, dans la salle du trône, ce qui veut dire aussi qu'il fallait que ce soit une série à petit budget, puisque c'était aussi pour ça, hein, la caméra fixe. Ah, c'est vrai, hein, qu'on est sur une, par rapport à ce qu'on peut connaître en plus, surtout depuis les années 2010, on est dans les débuts de Kaamelott sur une série à petit budget, qui est quand même, c'est ce que tu as dit, hein, on est sur une série un peu ovni parce que justement, on prend le relais de Caméra Café, on reprend une partie des contraintes techniques, mais Alexandre Astier va décider d'en faire quelque chose malgré tout foncièrement différent, au sens où certes, on va avoir des plans de caméra fixes, mais on a plusieurs décors qui petit à petit, en fait, hein, vont augmenter et vont être de plus en plus ambitieux au fil des saisons et au fur et à mesure du budget, hein, qui augmente. Mais donc, on a des caméras haute définition qui vont tourner en plan fixe. Et donc, on a plusieurs caméras, déjà plusieurs décors. Et on se retrouve aussi avec une série, alors historique entre guillemets, hein, puisqu'on est dans une série de fantasy, mais une série en costume, donc qui demande un budget supplémentaire aussi pour bah, tout l'équipement, pour les armures, les fourrures, les décors, etc. Les quelques chevaux qu'on voit dans les premières saisons, etc. Donc, on est sur une série qui va être en fait très ambitieuse dès le début, malgré son apparence, malgré ce format court de virgule qui est placé justement dans la fameuse case horaire idéale, en tout cas à l'époque, hein, entre la fin du journal télé, enfin des infos, hein, sur M6, et juste avant le début du prime. Donc c'est-à-dire le moment où tout le monde est encore connecté sur la chaîne. Donc il fallait un moyen de retenir comme ça l'attention du public. Et une des spécificités aussi, ça a été donc de proposer pour ce format de virgule une histoire arthurienne, c'est-à-dire une histoire épique par excellence, où on s'attend à des grandes aventures et qui là va être complètement burlesque, complètement triviale, c'est-à-dire qu'on prend les grands héros de la légende arthurienne, le roi Arthur, Lancelot, Perceval, etc., et on en fait une équipe. Bah, de bras cassés, une équipe extrêmement contemporaine en fait, hein, dans certains de leurs problèmes, dans leur façon de parler. Et plutôt que de les voir chasser des dragons ou partir à la guerre, le plus souvent, effectivement, on va les voir discuter de conflits, de dîner avec les beaux-parents et de choses ô combien très familières. Oui, quelque part, en fait, la série s'aligne non seulement dans le format, mais aussi dans certains des thèmes, certains du milieu. En fait, c'est aussi, alors c'est un peu à cheval entre la comédie du lieu de travail qu'était Caméra Café, qui était, comme son nom l'indique, vraiment une caméra placée dans la machine à café d'une entreprise lambda française. Là, alors c'est un peu le milieu de l'entreprise arthurienne, si on veut bien, la cour vue sous l'angle du lieu de travail, où parfois on a des grands buts, mais parfois pas forcément les moyens derrière qui suivent. Et il ajoute aussi cette dose de vie familiale, de sitcom un peu plus. Bah, souvent, avant Kaamelott, on voyait des séries TV américaines, des sitcoms familiales américaines qui passaient à la télé. Il y avait des points communs, finalement, hein, entre Kaamelott et ces séries-là aussi. Il y a un thème, disons, assez. Qui se limite pas, certes, à la comédie du travail, mais qui s'aligne tout à fait avec des thèmes de sitcom assez classiques, finalement. Mais peut-être que là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que Alexandre Astier, disons, crée pas Kaamelott non plus ex nihilo au moment où il intervient. Il n'arrive pas sans plan et sans rien du tout. Il a déjà travaillé sur l'univers de Kaamelott. Il a déjà travaillé à travers un court-métrage qui s'appelait Dies Irae, qui date de 2003, si je ne me trompe pas, qui est donc un peu plus ancien que le début de Kaamelott. Et il a déjà, dans ce court-métrage, une certaine idée de cette table ronde moderne, finalement, où les chevaliers sont vraiment presque comme dans un lieu de travail, et où finalement ils se parlent comme on parlerait à ses collègues ou à ses copains dans la vie moderne, et où ils sont pas toujours terriblement bien en phase avec les quêtes épiques qu'on attend d'eux, et où ils se retrouvent finalement dans un univers assez terre à terre. Dies Irae dure un peu plus longtemps qu'un épisode moyen de Kaamelott, je crois que ça dure quoi, une 10 quinzaine de minutes. Oui, tout à fait. Mais finalement, plusieurs des tropes qui se retrouveront après dans Kaamelott s'y trouvent déjà. On est dans une salle unique, pratiquement, il n'y a quasiment rien d'autre qui se passe qu'une séance de la table ronde, et il y a déjà le roi Arthur joué par Astier, il y a déjà, certains des chevaliers sont déjà en place, d'autres non. Mais finalement, on est dans une version qui ne demandait qu'à être presque adaptée, en fait. On peut juste... Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu as dit. Tu as dit des chevaliers qui parlent comme des collègues. Effectivement, ça, c'est quelque chose que Dies Irae met en place et qu'après, on retrouve pendant toute la série. Fait en fait une grande part du charme, de l'originalité de la série. Que Astier, il choisit pas du tout d'avoir un vocabulaire médiévalisant. Alors que la plupart du temps, les séries ou les films qui se passent au Moyen-Âge jouent, utilisent ce vocabulaire. On le voit bien dans Game of Thrones. Que ce soit les My Lord, les Nenni, que non point, etc. Au contraire, clairement, là, c'est des chevaliers qui parlent comme nous, en fait, et qui parlent avec un argot, en plus avec un argot lyonnais, contemporain. Donc, et ça, on le retrouve de l'épisode pilote jusqu'au dernier épisode de la dernière saison. C'est vraiment, je pense, l'un des points forts de la série. Oui, ou même ceux qui vont parler, ceux qui vont utiliser un vocabulaire médiévalisant, typiquement Gauvin, ça va être justement ceux qui sont un peu ridicules ou qui sont en train de faire une espèce de jeu de rôle ou de se prendre pour on sait pas quoi. Ça marche jamais. Et non seulement c'est ridicule, mais en plus c'est des phrases qui marchent jamais quoi. Quand oui. Gauvin essaye de faire de la poésie épique, effectivement, ça devient hein, la colombe blanche et sèche ou le roi avec sa coupe comme avant, ce genre de choses. Il y a Lancelot qui parvient un petit peu à avoir des phrases comme ça, mais généralement il est aussi hein, ramené sur terre, on va dire, par par Arthur d'ailleurs souvent, hein, qui Lancelot porte dans une envolée épique, rassurant le roi en disant qu'il protégera la reine de la férocité des bêtes de la nuit hein, quand Guenièvre est menacée par les loups suite à l'intervention d'Elias. Voilà, Arthur intervient tout de suite en disant allez boire un coup, ça ira mieux. C'est vraiment dans deux modes de pensée tout à fait différents. Là, l'idée de Kaamelott, c'est bien de montrer que certes, c'est la légende arthurienne, mais on l'a fait descendre de son piédestal, on l'a fait descendre des grandes considérations épiques ou des grandes considérations des romans de chevalerie du XIIe et du XIIIe siècle pour avoir une vision beaucoup plus contemporaine, certes en armure, certes avec la quête du Graal, etc., mais au prisme du début du XXIe siècle. Tu le dis, Justine, effectivement, c'est un bon exemple, la férocité des bêtes de la nuit, mais il y a aussi cet épisode célèbre où le père Blaise écrit Guenièvre à la blanche fesse, où immédiatement Arthur tique et où en fait l'épisode se concentre à la suite de la question de Perceval pour savoir si la reine a les fesses blanches, tant que le père Blaise s'arrache les cheveux en essayant d'expliquer que c'est une licence poétique. En fait, on voit bien qu'il y a cette volonté de la part d'Astier en fait, de déconstruire rhétorique qu'on associe, alors bon, à tort ou à raison, c'est une autre question, mais qu'on associe à la légende arthurienne. À chaque fois qu'il y a un personnage qui fait une phrase type Moyen-Âge, il y a quelqu'un qui en souligne le ridicule ou l'artificialité. Sachant que on a ce rapport très, très parodique et très, très conscient de lui-même hein, vis-à-vis de cette littérature arthurienne. Mais c'est pas voilà, c'est pas une critique de la littérature arthurienne pour autant, puisque on voit bien au fil des épisodes que Kaamelott se construit vraiment sur un matériau médiéval et pas que d'ailleurs, hein, mais qui est très riche. Et on retrouve voilà ce jeu sur la langue, sur les formulations. Et à l'inverse, on va retrouver aussi un grand nombre de clins d'œil à des éléments très précis parfois de la légende qui un petit peu ce côté parfois foisonnant hein, de Kaamelott, puisque il y a des références un peu dans tous les sens. Ce qui fait que voilà, on a un rapport à cette matière de Bretagne à la fois très ironique et qui pourtant s'appuie malgré tout sur, voilà, sur des choses très, très précises. J'ai presque envie de dire parfois très respectueuses. C'est très bizarre à dire pour une série voilà, aussi parodique que Kaamelott, mais les textes ou les sources médiévales sont jamais critiquées. On en rit de ce style qui est plus du tout approprié à notre époque, et c'est jamais pour s'en moquer, c'est juste une autre vision des choses. On peut justement peut-être rebondir sur le sujet assez large, on va à peine l'égratigner aujourd'hui, mais le sujet justement de comment est-ce que Kaamelott utilise la matière de Bretagne. Alors c'est une émission qu'on fait justement sur les sources plus ou moins distantes de la légende arthurienne, et on essaye de voir un peu les textes classiques, bon, beaucoup de textes qui n'ont pas eu beaucoup d'influence, mais qui sont quand même intéressants. Donc on peut justement se poser la question du quel est le lien, quelles sont les références, qu'est-ce que c'est le canon arthurien pour Kaamelott. Et je pense qu'il y avait justement dans Kaamelott, un livre d'histoire, une interview d'Astier qui était citée, où il disait, je le cite, « C'est comme si en fait j'avais sous les yeux une très grande table recouverte avec des petits mouchoirs. Il y a plein de trucs sous les mouchoirs. Si je veux les lever, je les lève et je vais fouiller. Mais je peux aussi juste laisser un mouchoir et rien en faire. Et puis la table, elle est remplie de mouchoirs et c'est infini. » Donc une attitude que je trouve finalement assez saine sur le comment on utilise cette légende arthurienne. C'est un répertoire, une espèce d'endroit où on peut piocher si on en a besoin, mais qu'on va pas forcément aller déranger si ça apporte rien. Le but, c'est pas de faire la série la plus arthurienne de tous les temps, ou d'être le plus complétiste. Un peu à l'opposé d'une autre œuvre arthurienne qu'on avait déjà examinée avec Justine, Excalibur, qui l'a essayé de tout mettre dedans un peu, qui a quand même beaucoup influencé Kaamelott. Mais ça peut être intéressant de voir justement qu'est-ce que Kaamelott pense de la légende arthurienne, notamment, je pense, rien que les relations des personnages entre eux, ou même juste les relations familiales des personnages entre eux. Oui, parce que ça, c'est un truc qui s'est construit assez tôt dans la série, mais qui n'est pas complètement non plus là, dès le début absolu, dès le premier épisode pilote dédié Ciré. On voit dans les épisodes pilotes que, par exemple, le personnage de Guenièvre va très vite évoluer. D'abord, il est joué par Vanessa Gedge, qui va jouer plus tard le rôle de la servante en Garad, puis qui devient ensuite... Guenièvre devient ce personnage un peu... celui qu'on connaît, en fait. La Guenièvre de Kaamelott est particulièrement spécifique et très différente de celle qu'on a peut-être l'habitude de voir dans les adaptations, jouée par Angie Roy. Et puis c'est là aussi qu'on introduit par exemple sa mère, la personne de Célie qui est jouée par Joël Sevilla, si ma mémoire est bonne. Il y a vraiment tout un cadre qui naît très vite, différent par exemple dans le cadre de la famille de Guenièvre. Ouais, c'est aussi une question de comment, pour permettre aussi l'identification des spectateurs, on va proposer une œuvre arthurienne à une heure de grande écoute sur une grande chaîne avec donc possiblement un public assez large. Il faut qu'on ait des moyens pour le spectateur de s'identifier à ce cadre médiévalisant. Donc, déjà, on commence par donner à Arthur une famille plus complète que celle qu'il peut avoir dans les différents textes. C'est pour ça que là, on voit sa mère, on voit ses beaux-parents, on voit son beau-frère, même s'il oublie tout le temps qu'Yvain est son beau-frère. Voilà, donc on a ces relations, ce noyau familial qui est beaucoup plus développé. Et ça correspond donc d'abord aussi à des contraintes de production, puisqu'il faut qu'on ait ce côté d'élément d'identification. Il fallait aussi, ça c'est un des critères qui a été demandé par la production lorsqu'on est passé de Diaciré aux épisodes pilotes, puis aux 100 épisodes qui constituent la première saison, le premier livre de Kaamelott, c'est qu'il fallait avoir davantage de personnages féminins. C'est vrai que quand on regarde un petit peu la légende arthurienne, on est quand même principalement sur des personnages masculins, hein, et les quelques femmes qui se battent en duel, généralement, elles sont plus méchantes. Donc, il fallait qu'on réussisse à réinjecter un petit peu du féminin dans tout ça. C'est la raison pour laquelle on a non seulement Guenièvre, mais aussi Célie, hein, qui est un personnage créé pour l'occasion. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a toutes les maîtresses d'Arthur, qui est aussi une façon un petit peu intéressante de détourner certains textes. Donc, il fallait des personnages féminins, et la production a demandé aussi à proposer davantage de jeunes personnages, de même, hein, pour favoriser l'identification d'un public adolescent. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec nos fameux petits pédestres, hein, Yvain et Gauvin, deux chevaliers ados, ou ados très attardés en tout cas, qui sont des personnages issus de la légende, hein, Yvain, le chevalier au lion chez Chrétien III, Gauvin, le neveu d'Arthur, et un des meilleurs chevaliers, qui est d'ailleurs un de ceux qui a le droit de porter Excalibur dans certains textes. Ces personnages donc particulièrement épiques se retrouvent à être deux adolescents, parce qu'il faut aussi pouvoir faire appel à ce public familial à 20h30 sur M6. Bon, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a la famille réelle d'Astier qui a un rôle assez important dans le cast, et puis qui ça dicte un peu le fait qu'ils ont des relations familiales dans la série. Je veux dire, la belle famille d'Astier, c'est sa famille, et notamment le fait que Yvain est le frère de Guenièvre, c'est un truc qui sort de nulle part. C'est un truc qui est pratique vu le cast qu'ils ont en ce moment. Mais en termes de sources, c'est vraiment un truc qui sort de nulle part. Puis le fait qu'Arthur l'oublie tout le temps, c'est un comic qui est un peu de niveau de ce côté-là. Oui, bien sûr. En fait, ce comic à deux niveaux, on le retrouve tout le temps dans la série. C'est l'une des choses aussi très, très habiles de la part d'Astier. C'est que, voilà, on voit bien, il y a ce comic de répétition avec Arthur qui oublie en permanence de votre beau-frère, j'ai pas de beau-frère. Ben si, il va, ah oui, putain, j'arrive pas à l'encadrer celui-là. Donc ça fait rire parce que ça renvoie effectivement à ces personnages qui ont du mal à supporter les uns les autres. Et derrière, il y a ce clin d'œil pour les gens qui connaissent bien la légende arthurienne, de dire, mais en fait, d'où ça sort? Le Yvain, beau-frère d'Arthur, littéralement, ça sort de nulle part, donc c'est pas étonnant. Arthur, il n'arrive pas à l'intégrer, puisque, comme tu le dis bien, ça vient d'aucune source. Ça, il y a toujours cet humour très subtil qui joue, comme tu le dis, à deux niveaux. Alors après, je pense que l'humour est parfois très subtil, parfois aussi, justement, un des problèmes de la référence arthurienne, c'est qu'il y a... Vous allez avoir 15 épisodes qui n'utilisent pas vraiment ce matériel, puis qui jouent avec leur propre code, avec leur propre le cadre qu'ils ont inventé. Et puis d'un seul coup, vous allez avoir un épisode où il y a 50 références. Bon, alors vous avez l'épisode du Graal qui est un bocal à anchois. Vous avez l'épisode du code de chevalerie. On va mentionner le roi Oel et puis la forêt de Calydon qui sont quand même assez connotés, disons. Il y a des épisodes où on a l'impression qu'on a quand même les notes de bas de... On l'a écrit avec plein de notes de bas de page sous le coude. Et puis il y en a d'autres où pas vraiment. Et puis il y a un peu une oscillation entre les deux, quoi. Ce qui c'est pas vraiment une mauvaise chose, mais c'est plus qu'il y a justement des épisodes où d'un seul coup ça ressort et ça devient le sujet de l'épisode, alors que c'est pas toujours au premier plan. Non, mais effectivement, j'aime bien hein, ce que tu fais remarquer sur ce côté un peu note de bas de page. Et en même temps, si on n'a pas les références, si on ne sait pas qui est le roi Oel, si on ne sait pas que le fameux code de chevalerie qui est cité est en fait une référence à Tristan et Iseut, etc. On peut parfaitement comprendre l'épisode, malgré tout, on peut parfaitement apprécier l'épisode, et ces références vont juste devenir des effets un petit peu de couleur locale, sans que ça gêne ni la narration, ni l'implication du spectateur. Donc, Claude a vraiment réussi à équilibrer un petit peu ces références, entre guillemets, savantes, et un humour beaucoup plus large, façon à ce que ça puisse plaire, et d'ailleurs on le voit, on continue à le voir aujourd'hui, Kaamelott plaît à la fois à des gens qui ne connaissent rien au Moyen-Âge et à des médiévistes et à des universitaires qui passent leur temps à étudier cette matière arthurienne. Donc c'est quand même une prouesse assez, assez intéressante d'avoir pu utiliser des références très précises. Hein. On a le personnage d'Elias qui est clairement un clin d'œil au personnage d'Eliavresse hein, dans la continuation de Perceval, enfin une des continuations de Perceval, etc. On a des choses très précises. Si on ne les a pas, on apprécie quand même la série et on peut se laisser porter par la narration qui a une cohérence et un bon fonctionnement par elle-même. On n'a pas besoin nécessairement de tous ces clins d'œil pour pouvoir se laisser porter par les aventures de cette équipe de bras cassés. C'est ça qui est intéressant dans le fait que précisément bah, les personnages ont rarement un rôle qui est identique ou une figure qui est exactement la même que celle de la matière de Bretagne, souvent même totalement à l'opposé dans bien des cas. Léo Dagan par exemple apparaît vraiment pas sous l'angle, enfin il a des côtés un peu brutales disons dans la suite par exemple, la suite vulgate, où il est quand même pas un personnage forcément toujours très sympathique, mais il n'a pas ce côté vraiment gronchon vraiment pénible pour Arthur. Bort, pas du tout. Alors Bort est quasiment carrément à l'opposé de son personnage dans Kaamelott. Et même Perceval est assez éloigné, même s'il y a des traits en commun. Sans parler des personnages auxquels on invente complètement un caractère comme Caradoc par exemple, qui n'a pas vraiment de personnalité particulière. Et c'est ça peut-être qui rend la chose intéressante, parce qu'au début la série, bah comme tu dis, a une narration assez forte, mais d'un côté elle n'a pas non plus une trame très fixe. On a des thèmes récurrents, des idées qui reviennent, des choses qui sont mentionnées, des petits événements, mais il n'y a pas de narration assez stricte. On peut regarder les épisodes un peu dans tous les sens, en tout cas pour autant qu'on reste à l'intérieur du livre 1, du livre 2. Il n'y a pas vraiment une immense continuité, ça commence à s'imposer un peu. On le sent déjà vers la fin du livre 2, donc la deuxième saison de Kaamelott, mais c'est vraiment à partir de la saison 3, du livre 3, qu'on va commencer à avoir vraiment une trame narrative qui va devenir de plus en plus importante. Au début, Kaamelott, ça reste quelque chose qu'on peut regarder un peu dans le désordre, un peu comme une sitcom, justement, où les épisodes isolés, mais en même temps, ont des identités fortes, les structures sont assez familières, puis les personnages jouent dans des registres, disons, qu'on associe à eux et qu'on connaît. On peut regarder 4 épisodes de Kaamelott avec Perceval, bah on commence à comprendre, peu importe l'ordre dans lequel il va, et cette familiarité marche bien parce qu'elle permet un renforcement peut-être aussi par les attentes qu'on a des personnages. Bon, on pourra redire si justement ça marche toujours bien suivant comment si on regarde tout dans l'ordre. Mais bon, justement, tu parles des personnages qui reprennent des dimensions qui sont inventées. Il y en a d'autres qui sont vraiment reprises textuellement. Donc, bah, typiquement, Merlin, fils d'un démon et d'une pucelle, bon, c'est son origin story. La parenté entre Bort, Lionel et Lancelot, ça c'est canon. Et même, je dirais, le côté timoré de Bort, il y a des épisodes où on le trouve. Typiquement, bah, dans la quête du Graal, quand il se brouille avec Lionel et puis que Lionel veut le piétiner, puis que Bort refuse. Il choisit l'option pacifique et puis il dit non, je veux pas, puis il se fait piétiner par son cheval et tout. Il y a quand même des éléments où on peut trouver des parallèles. Alors est-ce que c'est là que Astier les a trouvés? Je suis pas toujours très très convaincu. Il y a le personnage de Perceval beaucoup qui est, mais ça je pense c'est une particularité française où justement on est resté très attaché au Perceval de Chrétien de Troyes, ce qui est pas du tout le cas dans les pays anglophones où il passe un peu à la trappe. Ouais, déjà il passe à la trappe, j'allais dire tout court, même sans être particulièrement associé avec le personnage du Nice, de ce personnage un peu d'idiot magnifique comme il peut avoir parfois chez Chrétien. Mais je pense qu'il y a aussi un effet qui est un peu, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a aussi un effet un peu de, je veux dire, de téléphone arabe ou en tout cas de répétition, où il y a des éléments de la série qui s'expliquent pas forcément par quelqu'un qui aurait lu les textes, mais par quelqu'un qui aurait lu des textes secondaires dessus, ou des analyses, ou des résumés, ou des choses comme ça, où vous avez des dimensions qui ressortent et qui sont reprises. Typiquement, je pense la stérilité du couple entre Arthur et Guenièvre, c'est une dimension qu'on trouve dans les textes. Ils ont généralement pas d'enfant, ou alors quand ils ont un enfant, il est mort. Le Holt, Hammer, ou Lachau en gallois, il est mort, c'est quelque chose qui est vrai. Ou alors il y a Arthur le Petit, bon c'est un bâtard, alors voilà, il est pas vraiment le successeur d'Arthur, et même lui, justement, souvent il meurt dans la post-vulgate. Donc, c'est une dimension qui existe, mais les textes médiévaux vont pas vraiment insister dessus. Pourquoi ? Parce que pour les auteurs médiévaux, ils savent très bien qu'Arthur, il va mourir et puis revenir un jour. La question du successeur d'Arthur, elle se pose même pas, parce qu'on connaît son histoire à reculons. Mais du coup, quand on commence à insister sur la dimension, bah voilà, ça prend une autre dimension. Je pense le personnage de Méléagant et le caractère qu'il prend, bon, surtout dans les saisons dans la saison 5, c'est aussi quelque chose qui est assez clair quand vous lisez quand vous lisez des analyses sur le Lancelot. Plein de gens vont dire Méléagant, c'est un peu la version négative de Lancelot. C'est et plutôt que de séduire Guenièvre, bah il la kidnappe. Puis plutôt que d'être honorable, bah il est pas honorable. Mais là, il acquiert vraiment un côté double négatif de Lancelot, ou même présence, si on veut être un peu jungien, l'ombre de Lancelot, qui se trouve pas dans les textes, mais qui est facile de voir d'où ça vient quand on imagine quelqu'un qui se renseigne sur ces textes. Parce que dans Kaamelott, on va retrouver non seulement ces références aux textes, à cette fameuse matière médiévale arthurienne, mais on va avoir aussi toute la matière postérieure qui infuse les épisodes. Parce que clairement, on a évoqué tout à l'heure très brièvement Excalibur de Bourman qui a probablement influencé aussi Astier dans certains éléments, notamment d'esthétique. Hein. Pas que, mais, voilà, on pourrait y revenir. Mais là, sur Méléagant, on a aussi toute une partie de la filmographie qui est passée par là. Et je pense notamment au film First Night, hein, je crois qu'en français c'est Lancelot, le chevalier de la reine, avec Richard Gere et Sean Connery. On a clairement le personnage de Méléagant qui est, là encore une fois, ce double maléfique d'Arthur et de Lancelot, hein, d'ailleurs, pour les deux. Et si on prend le Méléagant de Kaamelott, on retrouve cette influence mêlée à un petit peu de Méléagant de Chrétien de Troyes et mêlée à un gros morceau de Senior Sith de Star Wars, globalement. Donc, on a ces différentes couches, hein, qui se superposent pour donner une vision qui ne fait pas seulement référence au Moyen-Âge, mais aussi à notre culture contemporaine. On a évoqué Léo Dagan, où il y a clairement, chez le personnage de Léo Dagan, on a des références à Audiard, etc. On a, en fait, tout ce qui plaît à Astier et toute la culture d'Astier qui se retrouve par certains de ces personnages. Mmh. Alors, on va juste faire une petite pause musicale pour se reposer un petit peu les esgourdes avec une chanson de The Longest Johns, un groupe d'a cappella qui s'appelle Ashes, les cendres. Watch that old fire as it flickers and dies. The once blessed the household and lit up our lives. It shone for the friends and the clinking of glasses. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. capture the wild things and bring them in line. And own what was never your right to confine. The lives and the loves and the songs are what matters. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. Do you feel heavy? Your eyes drop with grief. Your spirit is wild and your suffering is brief. So never you buckle and bend to the masses. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. Get round a fire with a glass of strong ale and tell us a story from beyond the pale. Bury some seeds and expect some strong branches. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. Now show me a man that can meet all his needs. For what we need most now is unity seed. A common old song for all creeds and all classes. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. I'll tend to the flame. And time it is halted for friend and for foe. Try to hold on to the time as it passes. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. I'll tend to the flame, you can worship the ashes. Et c'était donc Ashes de The Longest Johns, et on est de retour avec Justine Breton et Florian Besson pour discuter encore un peu de la série Camelot. Alors un autre élément qui est peut-être intéressant dans Camelot, c'est le cadre historique. Alors la légende arthurienne, c'est toujours un peu un cauchemar anachronique. Hein. C'est à la fois, on est chronologiquement dans les années 400, des fois explicitement, et puis de l'autre côté, toutes les mœurs, c'est celles du bon 12e siècle, parce que c'est là qu'on a fixé un peu tout le truc. Donc on se retrouve avec des gens de l'Antiquité tardive, mais qui portent des armures de plaques. Il y a Romulus Augustule et Justinien qui règnent en même temps. Enfin, c'est un petit peu... ça fait partie du truc, mais Camelot pousse vraiment ça, avec en plus une espèce de cadre, d'espèce d'antiquité tardive anachronique, comme ça. Et c'est... En fait, le choix aussi d'Astier, là, pour le coup, c'est un choix assez, assez ambitieux, assez courageux, c'est de choisir de situer l'action dans l'Antiquité tardive, au 5e siècle après Jésus-Christ. En fait, c'est une période qui est très peu représentée à l'écran, hein, dans les films et les séries médiévalistes, ce qui n'est pas surprenant, parce que c'est une période sur laquelle on a peu de sources. Donc, c'est une période qui est peu étudiée par les médiévistes. Donc, il y a peu de livres. Et du coup, la fiction s'est peu nourrie de cette époque. Hein. La plupart du temps, quand on a des fictions sur le Moyen-Âge, c'est 12e, 13e ou alors bas Moyen-Âge, 14e, 16e siècle. Donc là, pour le coup, il y a vraiment un choix d'Astier d'ancrer dans une époque peu connue des gens, hein. Une époque complexe en plus, où il y a encore la présence de l'Empire romain, mais qui est en train de disparaître, où il y a des peuples barbares venus d'origines très diverses qui sont en train de s'installer en Occident, etc. Il y a aussi l'influence. Bon, je pense dans les années 2000, ça a vraiment été une des tendances qu'il y a eu, cette espèce de Arthur pseudo-historique qui ressurgit, dans le sens où il y a ces fameux bouquins qui existent par paquet de 10 sur les types qui disent « Je vais vous expliquer qui est le vrai Arthur, et la vraie histoire du roi Arthur », qui s'est un peu traduit au cinéma avec celui de Fuqua de 2004, le King Arthur, ou bien dans un registre un petit peu plus, on va dire, cavalier, La Dernière Légion, Vous avez littéralement Romulus Augustule qui devient, qui rejoint la légende arthurienne comme ça. C'est quand même une tendance qu'on a eue dans les années 2000 où c'était ah ben oui, en fait, Arthur a vraiment existé, c'était un chef de guerre romain. Et puis il y avait un désir de le rendre plus réel en le plaçant dans le contexte de cette époque. Et puis, d'une certaine manière, c'est quelque chose de compréhensible parce que la légende arthurienne elle-même, elle a elle-même été placée au Moyen-Âge dans un créneau historique, une époque sur laquelle on savait pas grand-chose. Je veux dire, alors les médiévistes sont pas fans, vous m'excusez de parler d'âge sombre, mais c'est vrai que la Bretagne post-romaine, s'il y a un endroit où on peut parler d'un âge sombre, c'est probablement dans ce genre de contexte-là. Et déjà au Moyen-Âge, bah, forcément, les gens le plaçaient là, parce que quand ils regardaient leurs sources, leur chronologie, ils voyaient qu'il y avait de la place. Forcément, Arthur, on pouvait pas le placer, si on le place un peu plus tôt ou un peu plus tard, ça commencerait à faire bizarre, mais là, il est juste dans le bon... dans le bon créneau, quoi. Alors, cette façon de rechercher ou de prétendre avoir retrouvé un Arthur historique, voilà, qui daterait du 4e, 5e siècle, qui serait alors un chef romain ou un guerrier sarmate, ou on a plein, on a eu en fait toute une vague de recherches, notamment à partir de la fin des années 80, dans les années 90, qui mettaient en avant des arguments. Plus ou moins historique, plus ou moins archéologique, pour voilà, suggérer que Arthur non seulement aurait bien existé, mais qu'il était implanté à tel ou tel endroit, etc. Au passage, hein, cette mode n'a pas disparu. Hein. Très régulièrement, on a encore des articles. On a retrouvé la tombe du roi Arthur, on a retrouvé l'épée du roi Arthur, etc. Parce que voilà, ça fait partie aussi du jeu médiatique. Hein. Ça fait toujours plus rêver de dire que c'est la tombe du roi Arthur plutôt que la tombe d'un soldat que l'on ne connaît absolument pas. Voilà. Donc, c'est le jeu aussi. Et du coup, après, toute cette vague de recherche s'est traduite par une série de romans de fantasy, romans historiques, romans de fantasy historique, etc. Et ça s'est transmis petit à petit au cinéma. Alors, j'aime bien ta façon de décrire un film plus cavalier que le roi Arthur de Foucault, c'est quand même assez fabuleux. Mais effectivement, c'est cette idée de vouloir absolument prouver l'existence réelle d'Arthur. C'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Dès le XIIe siècle, on essaye de prouver qu'Arthur a bien existé parce qu'on retrouve justement son tombeau. Hein, ça tombe bien. Ça tombe bien aussi que du coup le lieu à Glastonbury devienne un lieu de pèlerinage parce que les moines sur place avaient justement besoin d'argent à ce moment-là. Le hasard fait quand même bien les choses. Voilà, donc ça fait partie de toute cet effet de mode, j'ai envie de dire. On est un petit peu passé au-delà maintenant. Le cinéma revient un petit peu, le cinéma et la télévision reviennent un petit peu à la mise en avant d'un Arthur de fantasy. Alors avec des choses plus ou moins bonnes, hein, comme toujours, plus ou moins recherchées, avec plus ou moins de budget, etc. Mais on a aujourd'hui au cinéma et à la télévision des moyens techniques qui font aussi que maintenant on peut mettre en avant un roi Arthur avec un personnage par exemple de Merlin qui va pouvoir faire de la magie, qui va pouvoir faire des choses intéressantes et impressionnantes. Donc il y a cette évolution aussi technique qui fait que on a un petit peu dépassé le Arthur historique aussi parce que justement on a les moyens de faire autre chose et que bah, on ne sait pas où il se trouve, hein. Donc, peut-être dans ces fameuses âges sombres où on n'a pas trop de sources, mais sans sources, difficile de pouvoir proposer quelque chose. Bon, Justine, tu dis que tu n'es pas impressionnée par les effets spéciaux de Excalibur de Borman. Je suis très surpris par cette qualification. Beaucoup plus par les effets spéciaux du Excalibur de Borman que par le film Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur de Guy Ritchie, par exemple. Ouais. Voilà. Pourtant, on a des effets spéciaux qui, globalement, tiennent la route, mais beaucoup d'autres problèmes dans ce film 2017. Ouais, c'est un peu au cinéma, il y a un peu une malédiction arthurienne où les films sont systématiquement un peu des échecs commerciaux. Là, on croise les doigts pour être l'année du bon film arthurien. On va avoir Camelot, on va avoir The Green Knight, il y a la série de Frank Miller sur Netflix. On croise les doigts qu'on sorte un peu de la malédiction. Mais je pense que ce côté un peu des années 2000, un côté un peu antiquité tardive dans ce Arthur pseudo-historique, je pense que c'est assez lié aussi à une tendance dans le cinéma, c'est-à-dire que c'était aussi les années où on a eu justement, je sais pas, le grand succès de Da Vinci Code, par exemple, où Da Vinci Code, c'était un bouquin qui se vendait comme Dan Brown, qui est un charlatan, il avait une petite apostille dans le bouquin qui disait que toutes les sources et tout ce qui est discuté dans le bouquin est vrai, ce qui est quand même un petit peu scandaleux. Et il faisait le tour des plateaux télé pour dire oui, en fait, non, l'histoire de... Oh, il y a un peu de fantaisie, machin, mais l'histoire de base, elle est vraie. Et le film de Foucault de 2004, il se vendait comme ça. C'était un peu, c'est la vraie histoire du roi Arthur. C'est un truc que je pense aujourd'hui, bon, à la fois, ça poserait peut-être un peu plus de problèmes, puis aussi, je pense que ce marketing-là marche moins bien, mais c'était une période où c'était quelque chose qui se faisait plus. Et je pense que ça explique un peu aussi l'esthétique de Camelot qui est un peu entre deux, où on veut être à la fois, les chevaliers vont porter des armures de plaque, mais c'est que pour les scènes de bataille ou bien à la table ronde. Puis le reste du temps, ils ont des vêtements un peu plus, on va dire, celtisants, un peu plus... Ce qui est intéressant avec ça, en fait, et c'est des choses dont on a parlé dans notre livre, c'est qu'en fait, paradoxalement, Kaamelott rompt totalement avec ces films-là. Kaamelott, il n'y a aucune volonté de réalisme historique, c'est clairement une série de parodies, c'est une série humoristique, et pourtant, paradoxalement, elle est peut-être plus réaliste qu'un certain nombre de films. Elle est clairement plus réaliste, par exemple, que Le Roi Arthur de Guy Ritchie, film que Justine, je sais... combien tu l'apprécies. Et du coup, en fait, Kaamelott est plus réaliste parce que du coup, la série, elle réinjecte en fait de l'humain. Ouais, elle nous rappelle que les chevaliers médiévaux, bah, c'était avant tout des vrais gens qui se disputaient avec leurs femmes, qui étaient inquiets pour leurs enfants, qui se bourraient la gueule à la taverne et avaient une gueule de bois le lendemain. Et il y a plein de moments comme ça. Il y a les doléances, par exemple, quand voilà, Arthur se plaint en disant « Ah là là, c'est pas top prestige en ce moment les doléances parce qu'il faut gérer les histoires d'œufs, de poules, d'ânes, des paysans qui s'entretuent, etc. etc. » Et en fait, tout ça, du coup, ça ancre la série finalement dans un Moyen-Âge beaucoup plus réaliste que des films très ancrés vers la fantasy. Alors, après, sur la question des armures de plate... Intéressant aussi, c'est que la série, quand on regarde l'ensemble du livre 1 au livre 6, on a quand même une nette évolution, que ce soit dans les décors, dans les personnages, mais aussi dans les costumes, puisque les premières saisons parlent vraiment de cette image, j'ai envie de dire image grand public du chevalier, donc c'est-à-dire avec des armures de généralement 15e siècle, voilà, qui vont faire du bruit, etc., qui vont... bien impressionné aussi, puisque quand on pense à un chevalier, traditionnellement, on visualise cette fameuse armure de plate, et c'est ce que propose le premier livre, la première saison de Kaamelott. Et plus on va avancer, plus il va y avoir tout un travail qui va être fait sur tout un travail de recherche aussi, notamment dans les costumes, ce qui fait que quand on regarde les livres 5 et les livres 6, on est sur des costumes beaucoup plus proches, alors on reste sur une réinvention le plus souvent, mais des costumes qui vont être beaucoup plus proches de la réalité historique du 5e siècle où est censée se situer l'action de Kaamelott, telle que c'est amené. Donc au bout d'un moment, les armures de plate disparaissent complètement, on se retrouve avec des tenues en tissu, alors encore une fois avec des coloris ou des réinterprétations. Mais là aussi, les coloris vont évoluer, ce qui fait que là où dans les premières saisons, on avait des personnages qui ont des couleurs bien distinctes, aussi justement pour pouvoir les identifier clairement, vous regardez les premières saisons, Perceval est en bleu clair, Léodagan en bleu foncé, Caradoc en rouge, Bohort en vert, etc. Donc, chaque personnage a une couleur, une palette bien identifiée pour que le personnage soit beaucoup plus facilement repérable dans la première saison qui sert à introduire tous les personnages, et petit à petit, tout ça, ça va se nuancer pour arriver au livre 5 et au livre 6 avec des palettes beaucoup plus grises et beaucoup plus mises en commun pour les différents personnages. Ce qui... D'ailleurs, je pense que, bon, là, il y a aussi quelque chose de... Je pense que le fait des armures, comme tu le dis, il y a aussi des problèmes, disons, logistiques qui vont avec, le fait de les enfiler, les désenfiler, le bruit, etc. Donc, c'est clair que si on peut... éviter de les sortir si on n'en a pas tout de suite besoin. Ça a aussi un côté pratique, surtout quand on tourne avec un si petit budget. Pour la gestion du temps aussi, c'est beaucoup plus agréable. Mais du coup, je voulais aussi rebondir un peu peut-être sur Alexandre Astier lui-même, l'homme, l'artiste, C'est pas toujours forcément pertinent parce que souvent le cinéma, bah, c'est un vrai travail d'équipe. Puis comme on l'a déjà mentionné, le cahier des charges a aussi fait beaucoup pour orienter ce que la série allait devenir dans ses premières incarnations. Mais quand effectivement c'est une série écrite par Alexandre Astier, réalisée beaucoup par Alexandre Astier, avec Alexandre Astier dans le premier rôle, la musique composée par Alexandre Astier, je pense que ça peut être intéressant de se pencher un peu sur le bonhomme, parce que c'est, comme on l'a dit, c'est une série d'auteur, c'est vraiment sa vision créative, et ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'il a lui comme qu'est-ce que c'est ses références, qu'est-ce que c'est son univers un peu créatif, comment est-ce qu'il voit la chose. Et alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, effectivement. Je pense que je l'ai dit au début de l'émission, je pense que il avait une idée dès le début, hein, de ce qu'il voulait faire, ce qui n'empêche pas qu'après il y ait eu des inflexions. Il y a cette question du changement de rythme, évidemment, entre le livre 1 à 4 et puis d'un coup le livre 5 qui passe en long format. Après, on sait effectivement, on voit bien, il y a des thèmes chers à Astier qui travaille par exemple dans ses autres spectacles, que ce soit la question de la musique. On voit bien dans Kaamelott qu'on retrouve dans de nombreux épisodes, et puis c'est pas un hasard que Astier se soit occupé de la musique également dans la série. Enfin, je pense que la question aussi, hein, de tout le rapport à l'éducation, je pense que c'est pas un hasard que les deux spectacles qu'il a fait après qu'ils aient tourné, hein, que ce soit le spectacle où il se met en scène dans la peau de Bach ou l'autre, hein, dans l'exoconférence, dans la peau d'un prof de physique, qu'il soit dans un rôle d'éducation. Ça aussi, c'est un thème finalement qu'on retrouve beaucoup dans Kaamelott, ce roi Arthur qui passe son temps à expliquer, notamment à expliquer les mots aux chevaliers, à expliquer les choses à Perceval et Caradoc, à leur donner des ficelles ou à jouer le rôle de précepteur pour Yvain et Gauvin. Là, clairement, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est cher à Astier lui-même et qui l'injecte dans la série. Après, au niveau des références, il y a effectivement des choses qu'on a déjà mentionnées. Voilà, on a évoqué un petit peu, j'ai parlé un petit peu d'Audiard, mais on retrouve pas mal d'épisodes qui permettent de faire des références au théâtre. Alors, on a des titres d'épisodes, hein, qui sont des titres de pièces. Hein. On a un épisode qui s'appelle « Beaucoup de bruit pour rien », on a « Cuisine et dépendance », voilà, des pièces de théâtre qui sont reprises au moins par clin d'œil. On a aussi, on a évoqué Star Wars, mais on a toute cette culture geek qui est très chère à Astier et qui infuse vraiment les épisodes, beaucoup d'épisodes de Kaamelott. Outre les références en Méléagant qui ressemble à un chevalier, enfin un guerrier Sith, on a aussi tout un épisode où Perceval va se retrouver à aller chercher un sabre laser. On va avoir des épisodes avec cette porte des étoiles, hein, les épisodes qui vont s'appeler Stargate, qui sont justement des références à Stargate et qui vont permettre d'injecter un petit peu de science-fiction dans cet univers de fantasy. Sur le même principe, on va avoir tous les épisodes où les personnages de chevaliers vont aller mener des quêtes, hein, des missions dans des souterrains, dans des châteaux abandonnés, dans des labyrinthes, etc., qui vont être autant de références à tout l'univers Donjons et Dragons. On retrouve l'évocation dans un épisode, on parle de Skaven, on dit que ce sont des hommes rats, là on est clairement dans une référence au jeu Warhammer. Enfin, voilà, on a tous ces éléments qui, encore une fois, peuvent passer totalement inaperçus, hein, dans les épisodes, même si la porte des étoiles peut-être un peu surprendre quand on n'est pas familiarisé avec ça. Et on retrouve en fait toute cette culture populaire, cette culture geek, permet à la fois à Astier de se faire plaisir, hein, parce qu'il injecte ce qu'il aime dans les épisodes, et c'est tout à son honneur, et qui permet aussi d'accrocher l'attention du spectateur de façon ponctuelle, par un effet de connivence. Voilà, je reconnais cette référence. Moi aussi, je suis un amateur de culture geek. Et voilà, on se retrouve emporté dans ce que Astier souhaite raconter, à travers aussi tous ces petits éléments qui sont distillés dans la narration, qui ne servent pas forcément. Hein. Clairement, il n'y aurait pas les épisodes avec la porte des étoiles. Ça, j'aime pas dans la narration. Ça pose pas de problème dans l'évolution de l'intrigue. Mais pourtant, ça permet aussi de nourrir un petit peu tout cet univers de Kaamelott qui se trouve de fait ancré dans un univers de fantasy qui est beaucoup plus large et qui va s'étendre encore dans le livre 6, où on va même voir Alpha du Centaure avec la Dame du Lac et toutes les dames qui vivent et qui œuvrent là-bas. Ouais. Bah, je rebondis sur un truc que Florian avait dit justement sur l'usage des références. Je pense, moi, c'est des références qui ne m'avaient pas beaucoup marqué parce que je pense que c'est des références qui, justement, comme tu le dis très bien, ça suppose une connivence. Et moi, je trouve que la référence artistique, quand ça revient, l'effet, c'est « Ah, j'ai reconnu la référence, je partage cette référence, je suis plus intelligent, ou bien c'est mon univers, ou bien c'est mon... » Je trouve que c'est dommage parce que ce que Asti fait très bien par ailleurs, c'est justement qu'il arrive à faire des références où même si on ne l'a pas, ça donne une texture... à l'univers, ça donne un arrangement de différents éléments qui est intéressant par lui-même, même si on le connaît pas. Et je trouve que les épisodes qui sont un peu des parenthèses, qui sont drôles, hein, avec une Stargate ou un sabre laser, je trouve que c'est pas vraiment le plus comment dire, l'intégration la plus harmonieuse qu'on ait pu voir là-dessus. Après, ça participe sans doute du fait que Kaamelott étant une série qui a le format qu'elle a, avec des épisodes extrêmement courts mais qui se multiplient et qui sont un peu, ou un épisode individuel dans les saisons 1, 2 et dans une certaine mesure la saison 3, un peu moins la saison 4, se perd vite dans la masse. C'est du coup, j'ai l'impression, moins... c'est comme dans un univers de science-fiction extrêmement solide et extrêmement, cohérent et qui a sa propre texture, on peut avoir parfois une nouvelle hommage ou un court-métrage hommage qui se retrouve ailleurs et qui n'embête pas plus que ça. J'ai l'impression que c'est vrai que c'est assez frappant par moment. Bah, typiquement, le sabre laser, c'est clairement... c'est juste Star Wars, un crossover avec Star Wars d'un seul côté, mais d'un autre côté, voilà, est-ce que ça se retrouve pas tellement déjà dans les... Si ça se retrouve de cette façon quand même beaucoup plus subtile dans les saisons, disons, 5 et 6, où là, pour le coup, ça pourrait faire plus tâche, ouais. Et ça s'intègre quand même relativement bien dans une... on parle quand même non pas d'un truc à la Donjon de Nuremberg où ça fait le cœur du truc. Bon, tu hein. dis ça, mais... C'est pas... Tu dis ça, mais attends... Pardon. Non. C'est pas qu'un crossover en fait, hein, parce que alors évidemment c'est un gros clin d'œil à Star Wars, c'est fait pour faire rire, etc. Mais encore une fois, on retrouve cet humour à deux niveaux, ah oui. typique de la série, typique de l'intelligence d'Astier. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a la présence de ce sabre laser? Parce qu'en fait, on sait bien que Star Wars c'est elle-même une œuvre médiévaliste, c'est pas pour rien qu'on a des chevaliers Jedi, et qu'en fait, Star Wars se nourrit très directement de l'imaginaire arthurien. Et du coup, en fait, je trouve ça très subtil de la part de Astier de remettre Star Wars dans une réécriture parodique de la légende arthurienne, étant donné que George Lucas s'est lui-même nourri de la légende arthurienne pour créer Star Wars. Je trouve que là, il y a un jeu d'écho, un jeu de mise en abîme, un jeu de reflet à travers l'histoire et à travers les réécritures qui est très subtil et qui dépasse simplement le gros clin d'œil de « Ah là là, c'est rigolo, le roi Arthur avec un sabre laser entre les mains ». Et je vais rajouter encore un autre niveau, un autre niveau de lecture. Et c'est pas anodin que dans ces différents épisodes qu'on a cités, que ce soit les épisodes Stargate ou les épisodes ou l'épisode justement avec le sabre laser, mais c'est pas anodin que ce soit avec le personnage de Perceval, que là on a l'impression que c'est juste un effet de clin d'œil, de clin d'œil, de référence geek, etc. Mais on a aussi, en fait, toute la lecture transversale qui peut être faite, notamment à travers le personnage de Perceval, puisqu'on apprend, alors c'est pareil, je spoil le livre 6, mais bon, la série est finie depuis 11 ans, donc j'estime que je spoil rien, mais on nous apprend dans le livre 6 que Perceval a été trouvé dans un cercle de culture, on ne sait donc pas trop d'où il vient, on sait pour l'espace, hein, il le dit de façon assez régulière. On sait aussi qu'il a une destinée exceptionnelle par le lien qu'il peut avoir avec Excalibur et par tout ce que la légende construit autour de Perceval et du Graal. C'est aussi pas anodin ici qu'on est à travers ces petits clins d'œil humoristiques, on retrouve l'intérêt de Perceval pour l'espace et en filigrane, en fait, on nous annonce déjà petit à petit toute cette construction beaucoup plus profonde du personnage. Qui va en fait aboutir que par la suite. Oui, c'est justement là que je voulais un petit peu en venir avec le point sur la différence entre ça, ce qui arrive, disons la référence, qui quand même, Florian, même si Star Wars est quand même très connu, si quelqu'un ne connaît pas Star Wars, il ne peut pas avoir le premier niveau de lecture, ni même le deuxième, hein, il ne peut même pas avoir le... Donc, pour trouver quelqu'un qui ne connaît pas Star oui, Wars. Oui, c'est vrai, mais il y a possible. Des gens... Mais ça existe. Ils ont absorbé... tu serais sûr... Je pense que ça, il y a quand même des gens qui sont quand même passés à côté. Après, dans le public de Kaamelott, ça m'étonnerait plus, effectivement. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que la référence, quand Astier met Perceval en lien avec le Star Wars, c'est sans doute pour l'idée aussi, effectivement, de Perceval un peu voilà, le personnage un peu en dehors du réel, à moitié dans le réel et à moitié dans l'imaginaire, plus loin, quelque part, ça se construit avec le personnage et du coup, ça prend de l'intérêt pour moi au fur et à mesure et ça amène une texture au personnage qui n'existe pas forcément dans le premier épisode, mais à mesure que la série se renforce et qu'elle devient justement cette œuvre beaucoup plus cohérente en elle-même, au lieu d'être des épisodes qui s'appréhendent par voilà, tranche de 3 minutes, ça et là, et qui... où les références peuvent être perdues dans la centaine d'épisodes. Là, pour le coup, la référence, ce qui est originellement une référence isolée, même si elle a un côté référentiel à double niveau intéressant, participe maintenant à la construction du personnage de Perceval tel qu'elle se développe dans les saisons successives. Et là, pour le coup, ça devient plus intéressant. En tout cas, même pour la personne qui ne connaîtrait pas du tout Star Wars. Parce que là, du coup... La série, en plus de faire référence à Star Wars, se fait référence à elle-même. Et là, ça devient quelque chose de plus riche. Et je pense que ça sera intéressant quand on parlera peut-être dans un deuxième épisode, parce que ça va durer assez longtemps comme ça. Mais quand on parlera peut-être plus en détail des épisodes, des saisons, disons, plus narratives de Kaamelott, c'est vrai que c'est une transition qui se fait à tous les niveaux, pas seulement dans ce qui est de la complexité de la narration, mais aussi dans la complexité des références et que fait Kaamelott. Au reste du monde arthurien et de la fiction contemporaine. Mais Antoine, tu dis que ça a moins sa place dans les saisons tardives. Bah, attends le film pour le caméo de Jar Jar Binks qui va compléter le cercle. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve, en fait, là, clairement, on retrouve le fait que Kaamelott, ce soit une œuvre d'un créateur, encore une fois, avec toute l'équipe derrière, mais... à partir du moment où le premier livre de Kaamelott fonctionne et plaît au public, Astier signe un contrat avec M6 et avec Kalt pour 7 saisons. On devait avoir 7 livres à l'origine. Ce qui fait que, alors, je ne dis pas que son histoire n'a pas évolué, etc., mais très rapidement, il sait où il veut amener son histoire. Donc, fait que on a des références qui sont amenées d'abord comme une blague, comme quelque chose de ponctuel, comme une référence, etc., qu'il va utiliser par la suite, mais on a aussi des éléments d'intrigue qui sont distillés de façon très ponctuelle aussi et qui, alors, servent plus ou moins. Je ne peux pas vous dire s'il y a véritablement un intérêt à ce que Caradoc soit raciste envers les Asiatiques, par exemple. Pourtant, on a toute une justification et on a ces éléments qui sont amenés au fur et à mesure, leur explication dans le livre 6, qui se retrouve aussi dans certaines des bandes dessinées, etc. Ça fait partie de la construction sur le long terme de l'intrigue et de la psychologie des personnages. Oui, je parlais purement du point de vue du spectateur qui voit la chose pour la première fois. Mais effectivement, c'est sans doute en partie de façon plus ou moins consciente et en partie sans doute inconsciente aussi. Mais c'est quelque chose évidemment qui est sur le long terme pour Alexandre Astier dès le moment où il sait qu'il va aller vers une œuvre au long cours. Une des références qui est intéressante avec Star Wars, c'est que clairement, Astier, quand il met... quand il utilise l'effet sonore du sabre laser dans un de ses épisodes et qu'il a pu demander à Lucasfilm l'autorisation, bah, il réalise un peu, comme on l'a dit, un rêve de gosse. Lui, c'est un peu son modèle Star Wars. D'ailleurs, il était un peu en avance sur les contrariens actuels qui sont un peu plus répandus. Lui, ça fait un petit moment qu'il dit que la prélogie, les épisodes 1 à 3, c'était ses préférés. Et je me rappelle, quand il est arrivé sur Twitter, c'était trop bien, on pouvait s'engueuler avec lui. Et puis, il y a Typhon qui s'engueulait avec lui justement sur le fameux monomythe et les histoires en trois étapes d'Aristote, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, si il nous fait un film à la monomythe, à la prélogie Star Wars, ça risque d'être un peu un problème. Mais c'est intéressant parce que son modèle, c'est un peu George Lucas, et c'est assez, je veux dire, rétrospectivement, on se rend compte que George Lucas, il a eu cette espèce, on lui a attribué cette espèce de pouvoir d'être l'homme derrière Star Wars, alors que quand on regarde la trilogie originale, c'était clairement pas le cas. Il y avait vraiment un travail d'équipe et il y a quelque chose d'assez intéressant pour moi à ce que Astier, un de ses modèles, ce soit ce bonhomme-là, parce que dès le moment où on lui a laissé les rênes pour faire ce qu'il voulait, Lucas, il a fait la prélogie qui a été un peu un échec critique et il a, disons en termes de... Je me demande ce que ça va donner avec Astier qui, lui, est vraiment un type qui fait tout. Astier, c'est le mec derrière Kaamelott, bon, il n'y a pas à discuter de ce côté-là. La différence, c'est qu'Astier, lui, a fait ses preuves d'une façon que Lucas ne les avait pas vraiment faites, puisqu'il avait fait le premier Star Wars, mais l'Empire contre-attaque et puis le retour du Jedi, il n'était pas où il était un rôle beaucoup plus il avait un rôle mais plus distant qu'il n'était pas réalisateur par exemple, mais c'est vrai qu'on peut voir disons des affinités peut-être entre Kaamelott et la prélogie Star Wars, notamment dans le côté un peu Bah, c'est ça qui est intéressant dans l'univers que Lucas avait bâti, finalement. La trilogie originale gratte vraiment pas beaucoup la surface. Et puis, c'est vraiment l'univers étendu, et puis après, les trois premiers univers qui ont... Les trois premiers de la prélogie qui ont vraiment réussi à en faire un univers beaucoup plus complet, vivant. Et chez Astier, avec Kaamelott, il y a vraiment ce souci, dès le début, pour le coup, de peindre un univers complet. On voit les facettes de la vie économique, politique, sociale de Kaamelott, militaire, même si le militaire, pour le coup, est un peu en retrait, ce qui, pour moi, fait écho avec l'intérêt que Lucas avait dans la prélogie de montrer vraiment comment on en était arrivé là. Alors après, ça n'a pas forcément toujours réussi, mais ça avait un intérêt, disons, et je comprends l'instinct derrière. Je suis un peu moins d'accord avec toi, là, je trouve, parce que Star Wars, quand tu dis, bon, c'est la prélogie qui construit l'univers, je pense que c'est un peu faux. Entre la trilogie originelle et la prélogie, il y a 30 ans de romans, c'est bien de ce que BD, je dis. De comics... Ah non, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais, c'est pas seulement la prélogie originale, mais la prélogie originale, c'est Lucas qui veut mettre cet univers riche à l'écran et le mettre en avant d'une façon que, par exemple, la trilogie originale ne l'avait pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas ce univers. D'accord, d'accord, j'avais pas compris. Donc, l'autre, il n'y a pas ça, en fait, il n'y a pas ce phénomène de monde infini à l'échelle d'une galaxie, finalement, ça reste très resserré, que ce soit géographiquement, temporellement, narrativement. Donc ça permet pas cette amplification que connaît les univers comme Star Wars, Star Trek, Warcraft, tout ce genre de choses. Alors là, tu abordes aussi une autre différence majeure entre Lucas ou le fonctionnement de Star Wars et Kaamelott, c'est que Kaamelott, enfin en tout cas Astier, va chercher à limiter au maximum justement cette étendue, puisqu'on a une œuvre et pour trouver des produits dérivés de Kaamelott. Bon courage, en fait. Des projets qui sont abordés au fur et à mesure, hein, on parle de jeux, on a parlé d'une saga audio, etc. Pour l'instant, à part les bandes dessinées, l'univers de Kaamelott se restreint véritablement à la série et aux films, potentiellement au pluriel, qui vont arriver. Oui, c'est ça qui est intéressant. Cette texture se fait moins dans l'ampleur, comme tu le dis, Florian. C'est pas un univers. On va pas voir l'Hispanie dans Kaamelott, on va pas voir Rome, on va voir Rome ultérieurement, mais on va pas voir tout dans ses moindres détails immédiatement. Par contre, il y a une richesse texturale, en fait, dans Kaamelott, qui est qu'on voit pas vraiment une étendue énorme, mais ce qu'on en voit, on voit toutes les couches. Et c'est peut-être avec ça que je voulais faire allusion avec la prélogie, c'est qu'on voit vraiment la vie quotidienne, on voit vraiment un univers qui fonctionne selon ses propres règles, même si alors dans Kaamelott il n'est pas du tout étendu, c'est vrai qu'on se limite à un château la plupart du temps puis ses alentours, mais on voit quand même un fonctionnement assez détaillé, et c'est peut-être aussi lié à la structure de Kaamelott en tant que sitcom à la base, mais disons, je pense que c'est pas innocent que ça se retrouve aussi dans finalement les bandes dessinées par exemple, qui sont pour le coup un des principaux produits dérivés de Kaamelott. Je pense que les films, quand Astier va arriver au film, il va pas nous faire une prélogie parce que basiquement la prélogie c'était la saison 6 où c'était on va revenir dans le temps et puis on va jouer des acteurs, on va vous faire croire que ces acteurs qui sont plus vieux sont en train de jouer leurs personnages plus jeunes, donc on a déjà eu cette étape là. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que je pense que Lucas, c'est un peu, à certains côtés, c'est un peu l'opposé d'Alexandre Astier sur le plan de la pratique. Sur d'autres côtés aussi, notamment sur peut-être les opinions politiques dont on peut... Je voulais mentionner un peu sur Alexandre Astier parce que je pense qu'il est assez symptomatique, son humour et son écriture, de certaines tendances d'un certain humour qu'on a au milieu des années 2000. Et par là, je veux dire que il a cette espèce de... Je pense que c'est assez frappant quand on regarde les épisodes où il parle typiquement dans la série d'homosexualité. Puis c'est un peu le truc où, basiquement, on voit le roi Arthur qui est là, ouais, je m'en fous de l'homosexualité. Ou alors on voit Venek qui est là, bon, je vous mets de la gonzesse, mais si vous voulez, je vous mets du bonhomme, hein, on s'en fout, c'est pas grave. Puis on va quand même avoir l'épisode avec l'évêque Boniface où, Arthur, quand même, cet évêque qui est un peu trop enthousiastement homosexuel, je vais plutôt dormir par terre à ce compte-là. Bon, aussi parce qu'il n'a pas envie de se faire agresser, quoi, mais c'est là. Voilà, mais c'est un peu le truc où, oui, bon, on va avoir quelques blagues un peu homophobes, c'est pas grave, mais on veut quand même vous rappeler que, oui, mais nous, on s'en fout, on a un positionnement engagé sur l'homophobie et sur l'homosexualité, qui est qu'on en a rien à foutre. Il y a un sketch de Louis C.K. qui est un peu de la même période, qui est assez intéressant sur le côté, c'est qu'il fait la même chose, où il dit, basiquement, l'homosexualité, c'est génial, parce que la position progressiste, c'est de dire que t'en as rien à foutre, et puis de rien faire, et puis tu peux déjà t'auto-jeter des lauriers là-dessus. Et Asti est tombé un peu là-dedans. Il est un peu tombé dans une. Il a un peu une espèce de je m'en foutisme politique sur 2-3 trucs. Où, basiquement, il est là, non, mais moi, je m'en fous. Voilà, c'est pas. Ça l'ébranle pas plus que ça. Un sujet sur lequel il s'est un peu illustré, c'était notamment la question de la censure de Dieudonné. Où, voilà, Dieudonné qui est un peu tombé en disgrâce parce, à cause de son engagement politique antisémite de plus en plus évident. Et puis, Assier l'a défendu à plusieurs reprises en disant « bah la censure, c'est mal, quoi qu'il arrive, et puis la liberté d'expression ». Il a comparé la propagande de Dieudonné à des œufs durs. Il a dit « moi, j'aime pas les œufs durs, mais il y a des gens qui aiment bien les œufs durs, donc il faut bien que les gens ils aient des œufs durs s'ils veulent ». Donc voilà, et puis, une phrase que j'aime beaucoup, c'est que dans une interview de fin 2010, dans VSD, il dit « Dieudonné n'est pas plus antisémite qu'un autre ». Ce que je trouve assez marrant, parce que je pense que, bon, on peut défendre le droit, la liberté d'expression de Dieudonné, mais bon, il est quand même un petit peu plus antisémite qu'un autre. Et le truc, c'est que depuis 2014, comme ça, il s'est un peu calmé, mais il y a un moment que je trouve assez marrant, c'est que dans une interview, justement, en fin 2011, je crois que c'était sur Musique Matin, il discute, puis le type essaie de le confronter un peu. Oui, mais bon, quand même, Dieudonné, il fait monter Fourisson sur scène. C'est quand même pas... C'est pas juste des spectacles, quoi, au bout d'un moment. Et puis, assis, il est là. Oui, mais Dieudonné, c'est un bon. Et puis, s'il pouvait fermer sa gueule de temps en temps, il se rendrait service et ça nous rendrait un bon acteur qu'on peut utiliser. Donc, il a ce côté très... Alors, s'il arrêtait ses provocations un petit peu... ses provocations sans rapport avec rien, il pourrait revenir être un cool acteur. Et je veux dire, beaucoup de gens sont passés par là, donc dans cette espèce de déni où au départ, ils étaient là, ouais, mais bon, Dieudonné, voilà, il s'est enfermé dans la provocation. Mais au bout de 4, 5, 6, 7 ans, tu commences à te rendre compte que, bon, il s'est un peu voué aux forces du mal, et puis que, finalement, faire de l'humour, ça l'intéresse plus tant que ça. Et assez, il a mis un bon moment. Pour ça, je pense, à cause de cette espèce, justement, d'idéal de... un idéal très libéral où voilà, il faut la liberté d'expression à tout prix, et que je trouve assez ironique parce qu'un autre idéal sur lequel Alexandre Astier s'est illustré, c'est la défense du droit d'auteur, et qui est aujourd'hui, soyons honnêtes, qui est quand même un des obstacles les plus des plus en plus encombrants à la liberté d'expression. Genre typiquement, bah, cette série de podcasts, je sais pas ce que je vais utiliser comme image d'illustration, parce que ben, on en discutait, est-ce qu'on va mettre des extraits de Kaamelott? On est obligé, on est un podcast français, on doit bien mettre des extraits de Kaamelott, ce qu'on a longtemps fait. Mais est-ce qu'on va le faire ou pas? Parce que bah, ils sont quand même très taquins sur le copyright. Donc on peut parfaitement exprimer de la propagande antisémite, c'est pas un problème, mais si on veut utiliser un extrait d'une série, bah là quand même non, il y a une limite à la liberté d'expression. On peut pas toucher à la création sacrée de l'auteur artistique auteurant qui doit avoir une mainmise complète sur son œuvre, ce qui est bon, assez compréhensible qu'on voit que lui-même n'a pas eu justement a mis un bon moment à pouvoir dégager, à pouvoir avoir vaguement le droit de faire ce qu'il voulait avec son œuvre. Mais je sais pas, c'est d'ailleurs pour ça que bah, quand il est arrivé sur Twitter, on s'engueulait avec lui, Typhon qui l'a repris là-dessus, et où on voit justement que bah, il intervenait régulièrement pour dire non, le piratage c'est mal, quoi qu'il arrive, et puis effectivement, Kevin 12 ans qui pirate Kaamelott, c'est mon ennemi personnel. Ça intervenait dans un débat assez formidable, dans le sens anglophone, c'est un débat qui monopolisait un peu la conversation de l'internet français dans les années... 2008, disons, à 2012, plus ou moins. C'était vraiment l'âge d'or d'Adopi, et c'était vraiment devenu une inquiétude principale. Aujourd'hui, on parle peut-être plus d'espionnage par les acteurs de l'État, ou les GAFA, justement, les données retenues par les grands Internet. À l'époque, c'était le piratage qui était au centre de la... Le piratage, disons, d'œuvres copyrightées, qui était au centre de la conversation. Et peut-être en ça, Astier illustre peut-être moins... disons, sa barque à lui, qu'une tendance générale, effectivement, de son époque, enfin, disons. Après, c'est vrai que c'est plus facile d'apprécier, c'est en général plus facile d'apprécier quelqu'un quand ses opinions politiques ne nous sont pas connues, quelles qu'elles soient. C'est pas ça, je pense qu'il y a un lien entre les deux, disons, qui se verrait pas forcément dans une œuvre où il y a moins de marge de manœuvre. Mais quand quelqu'un est aussi central, je vois une espèce de lien entre l'humour et ses positions, même si je pense que son humour est plus subtil que ce qu'on dit souvent, mais il y a des effets un peu qui changent comment c'est perçu. Mais pour moi, il a vraiment cette espèce de... Je veux dire, je comprends, parce que moi aussi, en 2010-2012, j'étais aussi un peu un fanatique du droit d'auteur, où j'étais là, c'est très bien le droit d'auteur, et le piratage, c'est mal. Puis au fil du temps, je me suis rendu compte que bah, pas tant que ça, quoi. Que ça correspondait pas à une réalité et que de toute façon, Astier, il vit, même lui, il vit pas vraiment. C'est pas le droit d'auteur qui le fait vivre, quoi. C'est pas Kevin, 12 ans, qui pirate Camelot. Je veux dire, là, pour regarder la série, moi, je les ai regardés sur YouTube. Je sais pas si j'ai rapporté plus que 30 centimes d'ISI Reproduction. Donc, je sais pas. Je pense qu'il. Il a un peu. Comment dire. Il a un peu cette espèce de posture très. On va dire libéral, et puis qui s'illustre bien dans ce créneau des années 2000 où ben, c'était exactement ce dont tu avais besoin pour faire de l'humour un peu mange-tout, où tu avais pas besoin de prendre position, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que l'humour qui prend position, ben, c'est souvent très vite, c'est vu comme moralisateur et pas bien. Et ou daté. Ou daté, ça date beaucoup plus vite, et puis c'est, en partie, c'est ça qui. Moi je pense aussi que c'est une qualité d'à certains moments. Je pense que pour beaucoup de blagues de Kaamelott, c'est ça qui leur donne un côté très. Peut-être pas atemporel, mais où on les regarde 15 ans après, puis ça marche toujours, quoi. Alors que. Kaamelott a beaucoup moins, je pense, mal vieilli, par exemple, que Caméra Café. Ça, oui, ça, c'est, voilà, ça... voilà, par exemple, typiquement, je sais pas si vous avez essayé de regarder Caméra Café, mais. Il y a plein de raisons à ça. Oui, oui, Caméra Café était déjà pas terrible. J'ai pas trouvé Caméra Café extrêmement terrible à l'époque, ce qui avait peut-être aussi fait le succès de Kaamelott, relativement parlant, qui se positionnait en porte-à-faux. Caméra Café avait connu un bon succès hein, quand même sur cette case horaire, etc. Et disons... c'est pour ça que M6 cherchait quelque chose ouais. pour tenir la barre après. Effectivement, c'est deux styles très différents, c'est deux publics aussi assez différents. Justement, c'est ça que je voulais dire. C'était pas une série qui allait faire la moitié moins bien que Caméra Café et du coup aller perdre la moitié du public puis avoir ça en moins bien. C'était vraiment quelque chose de différent qui se positionnait dans des cadres similaires, on en avait parlé, mais qui arrivait à prendre une position complètement en porte-à-faux aussi. Astier n'est pas en ça représentatif forcément de je sais pas, c'est ça qui est assez intéressant avec Astier et ses positionnements, parce qu'il est pas non plus il représente pas non plus quelque chose de très universalisant. On aurait du mal à le mettre dans la peau d'un artiste français moyen, par ouais. exemple, je trouve. Il y a aussi qu'il a un statut un peu différent. Mais t'imagines si ça avait été un peu la même chose, si Caméra Café avait eu des fans qui réclamaient le retour, puis que Bruno Solo faisait une trilogie au cinéma maintenant de Caméra Café, ce serait super drôle. Oui, il y a eu un film, mais je veux dire, je sais pas s'il y a des fans de Caméra Café encore aujourd'hui, tu vois. Une espèce d'effervescence. Mais disons, si on parle de l'effervescence autour de Kaamelott, c'est peut-être aussi intéressant de parler du moment Kaamelott, de ce qu'était ce moment de la... je sais pas, cette renaissance, ce qu'on pourrait appeler en France la renaissance geek. Ouais. Ce passage dans la culture mainstream, si on veut, d'une culture qui n'était pas, en France en tout cas, ouais, comme centrale ou même très acceptée, en fait. C'est ce qu'on a dit sur les références, où justement, ça crée aussi... Voilà, mais il y avait le moment Suck My Geek, par exemple, le documentaire où il avait figuré en bonne place, qui était sur Canal, il me semble. Il y avait eu un moment autour de ça, et Kaamelott a été un acteur important de ça, donc c'est vrai que c'est pas étonnant qu'il y ait eu une mobilisation tout à fait différente que de Caméra Café. Avant d'enchaîner justement autour de quelque chose qui a été permis par cette mobilisation, justement, en l'occurrence l'univers étendu en quelque sorte, à travers entre autres la bande dessinée de Kaamelott, j'aimerais qu'on fasse peut-être une petite pause musicale, alors cette fois-ci à thème, c'est une chanson qu'on retrouve à plusieurs reprises dans Kaamelott, de façon un peu anachronique, hein, c'est une chanson française du XVIe siècle, c'est bien sûr Belle qui tient ma vie de Toineau Arbaud, ici interprétée par Jordi Savall qui dirige la Capella Real de Catalunya. Pour que fuis-tu, Vignard, de ces Voilà, c'était Belle qui tient ma vie, une chanson de Toino Arbaud interprétée par Jordi Savall et la Capella Real de Catalunya. On est de retour ici pour vous parler, notamment, Laïs, de, disons, de, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler l'univers étendu de Kaamelott. Après mon réquisitoire sur Monsieur Alexandre Astier, je voulais peut-être revenir vite sur les épisodes pilotes qu'on a déjà mentionnés, mais si on voulait mentionner un peu ce qui... disons un peu en termes de palimpseste ou de texte variante, qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui s'est retrouvé ou pas dans la série. Puis aussi peut-être dire un mot sur justement ces produits dérivés assez rares, les bandes dessinées, qui sont, je pense, beaucoup moins lues. Hein. Rien que si on regarde le tirage, c'est assez respectable pour certains trucs, mais... Effectivement, le tirage des bandes dessinées est honorable, mais elles arrivent dans un marché qui n'est peut-être pas le plus facile. Hein. L'édition en France, surtout de bandes dessinées, c'est prolifique. Et elles arrivent, elles n'ont pas forcément le même succès. Je ne sais pas si tous les fans de Kaamelott, même toutes les personnes qui regardent Kaamelott et bien ça, ont forcément ouvert une bande dessinée Kaamelott. Ça serait peut-être un public en partie différent. Enfin, différent. Un sous-public de Kaamelott, par exemple. C'est ça. Je ne pense pas avoir croisé... Alors après, je ne connais pas tout le monde. Hein, mais je ne pense pas avoir croisé de gens qui seraient, par exemple, fans de la BD... sans être fan de la série. Voilà, on vient à la BD par la série, hein, clairement. Les différents tomes de la BD, donc on en est actuellement, on est en juin, on va avoir le 9e tome qui va sortir, donc Les Renforts Maléfiques, qui est en fait la suite du tome 8 qui était L'Antre du Basilic, qui était sorti en 2018, si je ne dis pas de bêtises. C'est une BD qui fonctionne pour effectivement ce fameux sous-public de Kaamelott. Au sens où tous les fans de la série Kaamelott ne lisent pas la BD, mais disons que ceux qui lisent la BD sont avant tout des fans de la série. Hein. Ça fonctionne un peu comme ça. Le cadre des différents tomes de la bande dessinée se situe au moment de la première saison de Kaamelott. On est sur des aventures annexes des chevaliers. On a quelques liens avec les épisodes, mais c'est toujours par... des effets de référence assez ténus, ce qui fait que on pourrait très bien lire les bandes dessinées sans connaître la série, et on peut tout à fait bien sur la série Kaamelott sans lire les bandes dessinées, mais si on lit les bandes dessinées, on apprend quelle est cette fameuse aventure de Perceval où il a rencontré un vieux qui lui a jeté des carottes, ce qu'il évoque on lui fait remarquer qu'il y a toujours des vieux dans ses aventures. On a quelques éléments comme ça qui permettent de créer des effets de parallèle, mais ça reste très, très mince. En revanche, ce que la BD permet par rapport à la série, surtout, c'est d'avoir de véritables aventures de fantasy, notamment de fantasy épique, parce que là, on n'a pas de question de budget, et on ne va pas avoir de problème pour représenter une armée, un dragon, une armée zombie, comme dans le premier tome, l'armée du Nécromant, qui date de 2006. On va avoir des aventures beaucoup plus ancrées dans la fantasy, dans la bande dessinée, avec de la magie, avec des créatures, avec des courses-poursuites. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en scène, surtout dans les premières saisons, pour toutes les contraintes matérielles et budgétaires qu'on a pu évoquer. Le contre-coup de ça, justement, c'est que du coup, il y a une des grandes dimensions de la série qui est le comique des dialogues qui devient un petit peu... Bon, on a toujours l'écriture des dialogues, mais disons, on peut s'imaginer les acteurs en train de les dire, etc., mais on perd un petit peu en rythme. En rythme, dans la base du comique du truc. Je pense effectivement, les trois premiers, qui sont de 2006, 2007, 2008, L'Armée du Nécromant, les sièges de transport, l'énigme du coffre, c'est un peu... On va vous raconter une histoire qui coûterait un petit peu trop cher au niveau décor. Pour moi, la vraie exception de la bande dessinée, puis que je recommande aux gens, même si ils connaissent pas Kaamelott ou quoi, c'est Perceval et le Dragon des Reins, qui est sorti en 2009. Il n'a pas eu un énorme succès, mais c'est une simple histoire. Honnêtement, c'est une de mes BD arthuriennes modernes préférées. C'est un des trucs, une histoire assez simple, mais que j'ai beaucoup aimé, qui fonctionne assez bien en vase clos, avec juste une aventure de Perceval, Lancelot et compagnie, et qui se démarque un peu des autres. Je pense rien que dans la... Peut-être même juste dans la... Je vais pas dire la qualité de l'écriture, mais disons, c'est une histoire qui est traitée un peu plus directement pour elle-même plutôt que pour les ressorts comiques qu'on va pouvoir y mettre tout du long. Le serpent géant du lac de l'ombre, le duel des mages, c'est un peu... par contre, ça revient un peu dans la même veine, le duel des mages étant assez clairement voilà, une prolongation des duels entre Elias et Merlin dans la série. Là, c'est des BD qui paraissent à un moment où justement la série n'existe plus, enfin n'est plus en cours, elle a fini en 2009. Et donc, quand il sort en 2011, c'est aussi une manière de continuer à sortir quelque chose alors qu'on n'a plus accès à l'écran. Contre-attaque en Carmélide, qui est le 7e, sorti en 2013, c'est probablement celui qui a une espèce de morale la plus bizarre, où justement, là, on tombe par contre dans une histoire qui est clairement une morale, ou une espèce de, en tout cas, une espèce de leçon à nous dire sur, je sais pas, le peuple, etc. Alors que Kaamelott s'est jamais aventuré à faire ça de manière aussi directe dans la série, je trouve. Et on perd justement un peu de la... Moi, j'ai trouvé, on perd un peu de la subtilité... la distance humoristique permettait. Alors, c'est pas une mauvaise histoire, en fait, je l'aime bien, mais... Et puis, pour L'Antre du Basilic, par contre, je l'ai toujours pas lu, mais je pense qu'avec les renforts maléfiques, je vais quand même le procurer. Si vous connaissez pas du tout, en tout cas, moi, je recommande encore une fois Perceval et le Dragon des Reins, qui est un peu... Je pense qu'il vaut le détour, même si vous êtes pas forcément très BD ou très Kaamelott. Un truc que je dirais sur la BD, c'est que le dessinateur fait un assez bon boulot au niveau de représenter les acteurs, mais qu'il y en a qui s'en tirent mieux que d'autres. Je veux dire, je trouve que, par exemple... Alexandre Astier et Lionel Astier en BD, ils ont un côté très Uncanny Valley, en fait, leur personnage de BD. Je trouve que je peux rebondir un peu sur cette représentation pour en avoir un petit peu parlé avec le dessinateur qui donc illustre les scénarios qui sont conçus par Alexandre Astier. Un des problèmes qu'on a avec la bande dessinée, c'est que on se retrouve avec des personnages, notamment Arthur et Léo Dagan, qui se ressemblent énormément. Tout simplement parce que les deux acteurs, hein, étant père et fils, se ressemblent, hein, ça paraît cohérent. Sauf que du coup, il a été demandé à ce que, là encore une fois, visuellement, les personnages soient beaucoup plus facilement identifiables. Donc, il a fallu forcer des traits et notamment faire grossir pas mal Léo Dagan, hein, ce que Lionel Astier a moyennement apprécié, mais bon, je le prends bien. Donc voilà, parce que il fallait pas qu'on risque de confondre les personnages, tant que là on n'a pas le jeu des acteurs, on n'a pas leur voix pour pouvoir bien les distinguer si jamais on n'est pas totalement familiarisé avec l'univers de Kaamelott. Donc il a fallu forcer des traits, ce qui fait que parfois ça peut surprendre un œil qui serait habitué aux performances des comédiens et à leur physique. Après, c'est vrai que c'est particulièrement le cas, je pense, pour Léo Dagan et puis pour Arthur, parce que bah, Lionel Astier, Alexandre Astier, reposent beaucoup sur un jeu qui se repose pas mal sur des mimiques, sur des... Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup d'actions du visage, et c'est ça qui les rend distincts, alors que, par exemple, un Thomas Cousseau qui joue Lancelot, même sans parler, il incarne quelque chose d'assez visible, quoi. Je trouve qu'il a un côté... c'est peut-être un peu que Alexandre Astier et Lionel Astier ont ce côté un peu plus malléable, qui peut vraiment aller dans tous les sens, ce qui rend par exemple Arthur un personnage, ce qui rend Astier, je trouve, un bon acteur pour le rôle d'Arthur finalement, et que par exemple voilà, le personnage de Guetno, on le voit, Serge Papagali incarne très bien le personnage, même sans bouger, quoi. On a une image du personnage qui est peut-être aussi plus qui est peut-être aussi moins complexe du fait qu'il apparaît moins souvent, qu'il est moins central, alors que Léo Dagan et Arthur sont quand même des personnages qui sont peut-être les deux personnages qu'on voit le plus et qui sont en tout cas très souvent associés en plus. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile à rendre leur côté iconique, ouais, comme dirait Scott McCloud. Je pense qu'ils ne sont pas assez caricaturés aussi. Je pense que Lancelot, par exemple, on force beaucoup plus les traits, Bort aussi, ils ont des visages plus élongés, etc. Ce qui marche bien, puis là, c'est presque trop réaliste, en fait. Par aspect. Bon, c'est pas honnêtement, c'est un problème un peu mineur, mais c'est vrai qu'il y a des cases qui sont un peu bizarres, je trouve, dans le... dans le, l'effet que ça essaye de faire. Après, c'était un choix aussi hein, de choisir un dessin quand ils ont recruté justement Steven Dupré. C'était un choix de ne pas fonctionner avec un dessin qui aurait fait trop cartoon pour justement coller avec l'idée que les BD permettaient des aventures épiques par rapport à la série. Donc, il fallait un dessin qui puisse coller à cette ambition épique. Alors après, est-ce que ça fonctionne ou pas, ça c'est autre chose, mais voilà, c'est basé aussi partie des critères de... Ouais. Mais après aussi, je pense, dans le marketing de la BD, il y a vraiment ce côté en France où il y a tout un créneau de BD qui est la BD vue à la télé, quoi. C'est, s'il y a un truc qui est connu, on va pouvoir tirer une BD de tant d'exemplaires dessus, et on sait que les gens vont l'acheter pour leur neveu ou leur cousin pour l'anniversaire, et que ça va relativement marcher. Même des trucs qui ont un public qui n'est pas si grand que ça, ils arrivent à tourner là-dessus. Donc c'est vrai que je suis un peu surpris que Kaamelott, la BD, n'ait pas plus marché que ça, en fait. Parce que même dans un milieu qui est déjà très saturé, ce genre de produits dérivés, justement, en France, il y a tout un créneau, en fait, qui se débrouille en général plutôt bien. Et là, bah, c'est dur de trouver des chiffres suivant quoi, mais ça n'a pas l'air d'être si... Si la success story que ça aurait pu être. Bah, c'est peut-être, je sais pas, je connais pas les chiffres, hein, mais bon, le fait qu'on en soit quand même au 8e, 9e tome, ça montre que si c'est pas une écrasante success story, ça doit pas être un échec non plus. Hein. Les éditeurs, c'est pas des Samaritains, ils publient à perte. Donc la BD, ça avait été un échec, il y aurait eu un tome, peut-être deux. Si ça, on en est à 9 tomes publiés au fil de 10 ans, c'est que mine de rien, ça doit se vendre hein, quand même. Non, ça se vend. Ouais, on est sur plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires à chaque fois. Ouais, on tourne entre 12 000 pour ce qu'il y a de moins publié, enfin, de moins développé. Le premier tome s'était vendu à plus de 120 000 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que Les derniers, on est à plusieurs dizaines, on est autour d'une vingtaine de milliers d'exemplaires. Qui, honnêtement, est déjà pas mal. Quoi. Oui, c'est peut-être ça qui a donné naissance, finalement, à cette idée que ça aurait pu sans doute fermer. Déjà, le succès de la série, sans commune mesure avec celui de la BD, et puis le fait que le premier tome se soit si bien vendu, c'est clair qu'après, il y avait une partie du public, sans doute, qui a été intéressée par ça, qui a lu le premier ou le deuxième tome, puis qui s'est dit, bon, le reste, c'est peut-être pas pour moi. Je pense que si on comparait à, je sais pas, une BD sur Hanouna, ce serait quand même un peu déprimant. Je pense que si on compare aux autres BD de trucs dérivés de la télé. Mais je pense pas que ce soit le même public quand même. Je pense que Kaamelott s'inscrit plus dans la BD, la tradition de l'heroic fantasy française en BD. Bah justement, je m'attendrais à ce que ça marche mieux. Voilà, est-ce que finalement L'Enfeust ou bien. Je sais pas, Troll de Troyes sont plus, mais est-ce que L'Enfeust Odyssée par exemple, ça se vend si bien que ça? Je serais surpris de savoir que ça se vend quand même à des centaines de milliers chaque tome, hein. À mon avis, c'est des chiffres comparables. C'était bien, L'Enfeust Odyssée, c'était marrant. C'est un autre sujet. Non, mais je veux dire, c'est ça, je pense que ça s'aligne quand même relativement, ça ne détonne pas particulièrement dans le milieu, c'est pas non plus une success story, comparable à d'autres, comparable à ce qu'a pu être Kaamelott, la série, les séries françaises. Je pense qu'il y a aussi eu une espèce de lutte un peu dans la période où Astier luttait pour reprendre un peu pour pouvoir diriger Kaamelott vers le cinéma comme il le voulait. Il y a eu un peu une espèce de lutte où justement on a eu ce que tu as évoqué, Justine, ces projets de Kaamelott Résistance, une série audio qui serait moins chère à faire mais qu'on pourrait faire comme espèce d'œuvre d'intérim avant qu'on puisse aborder le grand écran. Et puis j'ai l'impression qu'aussi il y a eu un peu sur la BD L'Antre du Basilic qui était un peu régulièrement annoncée et désannoncée, j'en savais pas trop, plusieurs fois on pensait que la BD allait sortir puis elle disparaissait, l'annonce disparaissait. Ça a été repris de 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ouais, c'était justement... elle devait sortir en 2014 de base, et puis progressivement, on pensait que c'était mort, et puis finalement, elle est sortie. Alors, sur ça, il y a eu l'écriture qui a pris du retard, le dessin qui a pris du retard. Donc, voilà. Alors, ça n'explique pas forcément 4 années pour repousser, mais... Ça fait partie des contraintes qui ont été subies. C'est aussi des années où Alexandre Astier a été très actif dans d'autres domaines que Kaamelott, parce que c'est logique, il a voulu se développer dans d'autres directions aussi, en plus de Kaamelott, ce qui était compréhensible. Mais du coup, après, c'est... Bon, ça, c'était les bandes dessinées. Les épisodes pilotes, j'ai l'impression que c'est un peu plus connu et peut-être moins regardé, mais les gens savent généralement, si on est vraiment fan, qu'il existe des épisodes pilotes. Mais c'est pas si intéressant que ça. Justement, j'ai l'impression que ça occupe un peu la même niche que les BD, finalement. C'est des choses que les fans vont regarder, que tout le monde, que la plupart des gens ont accès, s'ils ont le DVD, par exemple. Mais disons, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être dans le domaine du... disons, on va pas regarder les épisodes pilotes de Kaamelott à moins... d'être déjà fan, quoi. C'est quelque chose on commence pas par regarder Kaamelott, ouais. C'est pas comme par exemple Star Wars où tout le monde va te dire ah non, il faut que tu regardes dans tel ordre. Kaamelott, la plupart des gens vont pas faire une condition sine qua non que d'abord vous devez regarder 10 séries, ensuite vous devez regarder les 10 épisodes pilotes dans l'ordre de leur production, puis ensuite ouais. Vous commencez à regarder l'épisode 1 de la saison 1. Bah, je pense que l'épisode pilote le plus intéressant pour moi, ça reste celui de la femme chevalier à la table ronde, où t'as quand même qui cadre d'ailleurs complètement avec ce que je disais sur l'humour un peu milieu du chemin, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est marrant de voir, en fait, c'est marrant de voir le premier jet, quoi. C'est toujours intéressant, mais bon. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe assez vite, finalement, à part Dies Irae, qui était vraiment avant et qui a son propre système. Les épisodes pilotes sont quand même déjà dans cette temporalité assez courte, ils ont déjà ces ressorts de narration, et puis très vite, on passe des épisodes où, par exemple, bah, comme je disais, Vanessa Gedge joue Guenièvre, une Guenièvre tout à fait différente de celle d'Anne Girouard, et puis d'un coup, bah, on a Anne Girouard, et là, Vanessa Gedge est en Garade, et là, on est tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus familier. Si on regarde les 3-4 derniers épisodes de pilotes, ils sont déjà, ils auraient pu être mis dans le livre 1 sans qu'on y trouve grand-chose à redire. À part quoi, Simon Astier qui joue encore un servant dans un de ceux-là, avant d'être Yvain. Ouais, mais on retrouve en fait cette évolution hein, sur. T'as évoqué le casting, etc. Sur les questions de rythme. On prend le premier épisode. Je crois que dans la liste, le premier épisode de ce pilote, c'est le duel. On a quand même pas mal de longueur. C'est aussi d'ailleurs tout le principe hein, de l'épisode. Quand on va un peu plus loin dans l'épisode sur le repas de famille, où on a déjà justement Anne Girouard qui n'interprète que Lièvre, on a un format beaucoup plus ramassé avec quelque chose de beaucoup plus dynamique. Où là, on a vraiment les bases de ce qui va être les premiers épisodes du livre 1, en fait, de Kaamelott. Après, on a beaucoup d'éléments de narration, en fait, dans ces épisodes pilotes qui ont été repris dans la suite. Tout ce qui est l'invasion viking, on retrouve exactement le même principe, distillé soit à travers le personnage du chef viking, soit à travers l'invasion d'Attila, enfin, des 2-1, voilà. On retrouve la relation de Perceval avec une servante, même si à l'époque, la servante est jouée par Audrey Fleurot, qui ensuite a joué la Dame du Lac. Donc, on a ce petit bouleversement sur le casting. Après, moi, celui que je trouve qui a été le plus exploité, c'est l'épisode La Carte, aussi, je pense, le plus drôle de ces épisodes pilotes, qui se retrouve en fait transposé parfois mot pour mot dans un autre épisode de la série, mais qui fonctionne là avec une rythmique en fait un tout petit peu différente, un peu plus dynamique, je trouve, et qui fonctionne bien et qui annonce en fait déjà la patte qu'on va avoir dans les épisodes qui sont vraiment les épisodes préférés des fans. Je pense par exemple à l'épisode un peu improbable qui s'appelle Le Monde d'Arthur, où Arthur se met à jouer avec la nourriture, où il prend un gros saucisson, enfin un Jésus, pour en faire un monstre, etc. C'est des épisodes vraiment à part, mais pour beaucoup de fans, quand on parle de Kaamelott, c'est avant tout ces épisodes-là qui viennent en tête avant la narration sur le long terme et avant ça a pu évoluer dans les livres 5 et 6. Ah non, c'est clair. En 2008, en 2009, je me rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas saquer les dernières saisons. Hein. Ils trouvaient ça pas drôle. Et puis, ils auraient préféré que ça continue comme les trois premières saisons pour un peu toujours. Mais peut-être avec le temps, ils sont un peu adoucis. Un vrai choix, là, pour le coup, il y a un vrai parti pris, un engagement d'Astier. Le livre 5, il rompt totalement avec le livre 4, il impose une vraie histoire sur le temps long. On peut plus, comme tu le disais, picorer en prenant n'importe quel épisode dans le désordre, sinon on comprend plus rien. Et puis surtout, il y a ce changement de ton, le fait que le livre 5, il est pas drôle. Il parle de choses pas drôles, il se conclut sur le suicide du roi, après une quête stérile dans tous les sens du terme sur sa descendance. Le livre 6 réinjecte beaucoup d'humour, mais lui aussi, il change. Je pense que là, pour le coup, Astier, il a pris un vrai risque n'y a pas beaucoup de séries en fait qui changent comme ça totalement à la fois de format, de ton, de durée, de rythme, et qui continuent quand même mine de rien à fonctionner, à plaire, à marcher, et ça dit des choses en fait à la fois de ce qu'a voulu faire Astier, de la façon dont les fans l'ont reçu. Après, c'est aussi, je pense, intéressant dans le sens que ça s'est fait. C'est-à-dire que ça s'est fait dans un sens qui positionnait Kaamelott comme une série peut-être plus conventionnelle en termes de durée d'épisode, par exemple, en termes de façon, de structure narrative et de structure de production aussi, avec une dizaine ou 8 ou 10 épisodes, 9 épisodes, je crois, la saison 5. Je ne sais plus combien ça en a fait, parce qu'il y a eu plusieurs formats, ce qui a été aussi pas facilité par la volonté d'M6 d'avoir quand même ce format court, donc un découpage des longs épisodes, après en des primes qui ont été suivis par des petits épisodes qui contenaient l'intégrale, puis après un remontage final pour le DVD en des épisodes qui contenaient tout, mais sous un format d'épisodes, disons, d'une durée plus longue. Ça avait aussi le positionnement que ça mettait Kaamelott dans une position finalement, j'ai pas envie de dire légitime, mais d'une certaine façon, ça c'est quand même le cas. Ça passe d'une œuvre pastille, qui s'était déjà allongée à 7 minutes, à une œuvre qui se fait en 40, 45 minutes, une heure, comme par exemple, peu après, on a une série HBO qui s'appelle aussi Kaamelott, mais avec un C. On a un peu un côté. On dirait aujourd'hui TV Prestige, quoi, oui. Qui n'est pas. Qui est lui-même différent de la TV standard, de la série française par excellence, qui fait des épisodes d'une heure et demie, trois fois par an, et puis c'est tout. C'est vraiment une série plus à l'américaine, plus à la, disons, à la HBO, mais ça se fait dans un sens qui augmente, disons, le prestige, entre guillemets, de la série, alors que par exemple, si Kaamelott avait été une série qui faisait des épisodes longs d'une heure, elle n'aurait jamais pu passer un format de pastille de 3 minutes 30. Ça paraît improbable. Donc il y avait vraiment c'était effectivement une prise de risque, et ça a été déjà pas toujours très bien apprécié par les fans de Kaamelott, c'est sûr. Mais ça avait aussi un sens, étant donné la direction dans laquelle ça allait. Mais effectivement, c'était une volonté d'Astier de, j'ai envie de dire, pousser un peu les murs de la série pour pouvoir raconter une histoire, pour pouvoir raconter son histoire et la raconter différemment. Mais effectivement, hein, tu dis ça amène à un format traditionnel. C'est plus exactement un format américain, états-unien, avec ces épisodes qui vont de 40, 50 minutes, voire une heure pour après la director's cut, qui malgré tout a des longueurs, mais ça c'est une autre question. Parce que ça va avec le changement de narration, ça va avec le changement de thématique que Florian a bien soulevé. Et après, je ne sais pas si tu peux comparer Kaamelott version Astier de Kaamelott, je suppose que c'était la série de Stars avec Eva Green. Oui. Non, je ne compare pas, mais on est sur. Mais j'illustre, disons, le fait que ça s'insérait un peu en avance sur son temps dans un milieu qui allait connaître vraiment une renaissance de la fantasy à la TV, entre guillemets, prestige. Kaamelott de Starz est arrivé peut-être un peu trop tôt elle-même, mais disons, c'est pas un hasard qu'au même moment, on commençait vraiment à avoir une notion de peak TV, et puis on voit des épisodes Londres, mais dans des séries ramassées qui commencent à devenir de plus en plus populaires. Alors, je ne veux pas du tout comparer Kaamelott de Stars et Kaamelott qui se positionne dans des. On pourra peut-être en parler dans le prochain, si on fait un prochain épisode qui parle un peu plus peut-être des saisons 5-6 et de, bon, disons, l'approche que Astier a du mythos arthurien. Mais non, c'est clair que non. Mais du point de vue simple du format, c'est clair qu'on va dans une direction plus, disons, c'est un peu comme passer d'un format où on vend des blagues dans un magazine, par exemple, et soudain, on se retrouve avec une présentation beaucoup plus soignée, avec, enfin, en tout cas, pas nécessairement moins soignée. C'est pas pour dire que les épisodes courts n'étaient pas soignés, mais vraiment d'une façon plus associée avec des formes prestigieuses, disons. Dans ce sens-là. En fait, pour des modèles, il va falloir, je pense, plus aller du côté de Lost ou des séries comme ça, plutôt que... Je ne peux pas, en fait, mettre l'autre série Kaamelott dans la catégorie des séries prestige, mon cerveau refuse cette association malgré Joseph Fiennes. Effectivement, c'est Stars de 2010-2011, donc c'est pas non plus Stars qu'on connaît aujourd'hui, qui a Outlander. C'est encore un Stars qui est encore assez qui aspire au prestige, disons. qui n'est pas encore là. Tout à fait, voilà. Mais ce, vous avez mentionné le saucissonnage un peu de la série pour qu'on la fasse entrer, cette série carrée dans un moule rond à la télé, avec le fait que l'intrigue s'allonge devient, et que le réseau de chaînes de M6 fait absolument tout ce qu'ils peuvent pour ne pas l'accepter. Je veux dire, récemment, j'ai rematé, parce qu'ils ont rediffusé les saisons 4-5... c'était sur W9, je crois, il y a ma belle-mère qui regardait, puis je regarde avec elle, et puis on voit à l'œil nu que les épisodes sont pas dans l'ordre, en fait. C'est pas quelque chose où il faut être très attentif pour réaliser ça. Encore maintenant, je me rappelle qu'il y a quelques années, Assis disait, voilà, W9 est encore en train de diffuser Kaamelott, il fout tout dans le désordre. Je comprends pas pourquoi ils font exprès, en fait, parce que ça demanderait... Après, c'est l'impression que ça demande plus d'efforts de faire chier, et... c'est pas quelque chose où si t'es le fan, tu te rends compte que la série marche pas comme ça, en fait. Attends, à la limite, que ça soit pas dans l'ordre, c'est un premier souci. Un autre gros problème qu'il y a sur ces rediffusions, alors c'est génial que Kaamelott soit rediffusé depuis que la série est arrêtée, hein, donc ça fait 10 ans que Kaamelott est rediffusé presque toutes les semaines non-stop sur les différentes chaînes du groupe M6. En revanche, les diffusions sur Sister, qui sont à peu près pareil, des diffusions hebdomadaires, où les coupures pub sont calées en fait entre les différentes chaînes du groupe, qui fait qu'on s'arrête parfois en plein milieu d'un épisode. C'est pas que le cas de Kaamelott, hein, bien entendu, hein, c'est le cas en fait de toutes les séries qui sont diffusées sur les chaînes du groupe. Vous avez des coupures pub en plein milieu d'une réplique. Bon, voilà, ça m'agace profondément. Il y a des raisons, sûrement beaucoup trop intelligentes pour moi derrière, mais au-delà du mélange dans l'ordre des épisodes, là on a aussi l'idée de placer du Kaamelott pour combler la grille des programmes, parce que justement Kaamelott ça fait 10 ans et qu'on peut les rediffuser en boucle, ça plaît toujours. Je rappelle au passage que Sister diffuse aussi régulièrement La Petite Maison dans la Prairie et Dr. Quinn. Du coup, ça... C'est un peu cette idée-là. Ouais. Voilà. C'est des programmes qui font plaisir à regarder, même à les regarder en passant. Comme ça que c'est pensé, en tout cas, dans ce type de diffusion. Et en plus, Kaamelott, ça les leur rend un grand service parce que ça leur permet de diffuser, d'atteindre leur quota de diffusion de production française ou européenne, ce qui est parfois difficile à atteindre pour certaines chaînes, comme par exemple... qui n'en produisent pas autant. Mais si vous voulez plus de détails sur les problèmes que pose la programmation des chaînes de la TNT française, je vous renvoie à tous les épisodes passés de TVNR, le podcast de Radio Kawa qui s'intéresse dans long en large au monde des médias français et francophones, parce que là, la question des remplissages de la TNT, ça, c'est pas nouveau, effectivement, et c'est pas arrivé avec Kaamelott, malheureusement. Mais c'est vraiment un problème récurrent et particulièrement pour les chaînes du groupe M6. Non, mais moi, je comprends parfaitement la frustration d'Astier de voir qu'il doit bosser avec... Il s'est menotté à des gens qui ne respectent pas vraiment son travail, qui ne respectent pas du tout sa vision, et qui doit faire des courbettes auprès d'eux pour récupérer le droit de faire ce qu'il veut avec. Je comprends d'une certaine manière, je ne veux pas sombrer dans la psychanalyse, mais je comprends que plutôt que ça, il décharge son énergie sur Kevin, 12 ans, qui pirate Kaamelott, parce que voilà, le droit d'auteur, ce n'est pas une réalité pour lui. Après, quand on bosse dans cet univers. Après, je dis, il s'est menotté, il s'est quand même engagé avec une équipe qui lui a donné la chance d'écrire ses textes, etc. Voilà. Oui, non, c'est ça. C'est pas non plus menotté un réalisateur à écrire des épisodes. C'est pas comme si on lui avait donné un pont, c'est pas comme si M6 lui avait promis que sa vision artistique serait réalisée dans ses moindres détails. C'est un format dans lequel il a pu faire entrer quelque chose qu'il voulait faire. Et puis voilà, c'était une alliance, c'était un mariage de pratique pour les deux, et effectivement, au bout d'un moment, les intérêts ont divergé, et malheureusement pour Alexandre Astier, dans la balance, c'est quand même le groupe M6 et RTL derrière, qui est quand même plus puissante et qui a pu un peu le mener dans une direction pas forcément très réglo, et ça, je pense qu'il devait en être conscient en s'engageant aussi, hein. Il n'a pas dû être non plus... il n'est pas naïf, Alexandre Astier, on pourra jamais dire ça de lui, je pense. Non, mais c'est clair que ça n'a pas dû être facile à accepter, et c'est ça qui est un peu frustrant avec Kaamelott, parce que, d'une certaine façon, ça convenait tellement bien au début. Si on peut peut-être achever cet épisode, parce qu'on arrive déjà à un ton assez long, mais on doit quand même parler, avant de passer à la matière suivante, de la façon dont Kaamelott a été si efficace. Parce qu'on a parlé beaucoup du succès de Kaamelott, on a parlé beaucoup de ses fans, on a parlé beaucoup de ses ressorts, mais on n'a pas tellement parlé de ce qui a fait finalement Kaamelott. Et c'est vraiment ses ressorts, la façon dont Kaamelott fonctionne, qui est redoutablement efficace dans ce format particulier quand même. Oui, si on va, on peut justement s'opposer sur cette question, parce que je ne sais pas si on sera tout à fait d'accord avec nos invités sur le fonctionnement de l'humour de Kaamelott, parce que bon, c'est quand même la grande force de la série. Même... D'ailleurs, Florian, tu disais les saisons 5 et 6 sont pas... La saison 5 n'est pas très drôle, et c'est vrai, le sujet n'est pas drôle, mais je trouve qu'il y a quand même des trucs... Il y a quand même un côté tragicomique par moment qui est absolument hilarant dans la saison 5, je trouve. Disons, il arrive à miner des rires dans des situations, des circonstances qui seraient difficiles, sans cette machine bien huilée que pouvait être Kaamelott, quelque chose comme les interventions du duc d'Aquitaine ou même de Christian Clavier en jurisconsulte. C'est pas le plus grand personnage de Kaamelott, c'est pas mon acteur préféré, disons, qui figure dans Kaamelott, mais il marche, quoi. Il y a des moments comme ça, même dans la tragédie la plus complète, la plus noire, où il arrive quand même, et c'est parce que la machine Kaamelott est efficace. Maintenant, est-ce que les ressorts marchent toujours de la même façon et qu'ils ont toujours la même efficacité? Ça, c'est une autre question. Je pense que le thème, disons, un des thèmes globaux, une des plus grosses ficelles, un des axes dramatiques les plus importants de Kaamelott et des axes comiques, c'est le thème de l'opposition, en fait, c'est le thème d'Arthur, qui est ce roi idéaliste, et de son opposition contre des personnages qui vont être soit cyniques, comme Venec ou Léodagan, qui sont des esclavagistes, des brutes, ou des personnages qui sont des incapables. Qui peut être Perceval, Caradoc, Yvain, Gauvin, Bohort, soit ils sont trouillards, soit ils se comportent comme des enfants, différents problèmes. Et ça, c'est un peu un des principaux ressorts comiques qui va en sous-main gouverner la série. Et le principal ressort dramatique, c'est l'opposition d'Arthur avec Lancelot, qui sont les deux seuls personnages qui tiennent pas vraiment dans cette dichotomie, en fait. Typiquement, y a des épisodes où justement Arthur et Lancelot font la liste des cons, la liste des cons, il y a tout le monde sauf eux. C'est les deux seuls. Et puis Arthur lui-même, il dit, j'ai une belle bande de tarés, à part Lancelot, il tient à peu près debout. Et du coup, la tension dramatique vient de ce que Lancelot, en fait, il joue son rôle. Il joue le rôle du chevalier qui veut faire la quête du Graal et qui dit que la quête du Graal, c'est un truc élitiste, ce qui est pas un truc qui est inventé par Astier, hein. C'est les élus qui vont remplir la quête du Graal. Et Arthur qui a un idéal démocratique. Un peu anachronique, mais bon, c'est pas lui qui l'introduit dans le thème de la table ronde, on va dire. Il y a vraiment, c'est un peu pour moi les deux grosses ficelles de la série, qui sont à la fois sur ce qui est drôle, ça crée des situations très drôles, et puis aussi ça crée le principal moteur de l'intrigue qui va se développer, surtout à partir de la fin de la saison 3. Mais même, c'est déjà quelque chose qui est présent dès la saison 1, en fait, et c'est ça qui est intéressant avec Kaamelott, c'est que même si la narration structurée est venue plus tard, même au cœur de ces épisodes qui sont purement, pas purement comiques, mais qui ont, où le cœur de la chose, c'est vraiment l'humour, il y a déjà cette trame dramatique qui est baked in, si on veut, qui est construite dedans, comme tu le pointais. Non, je disais justement, même un des tout premiers épisodes, celui à la table ronde sur le chevalier de Provence, où on voit que Perceval, même quand on voit plusieurs des thèmes qui vont plus tard être importants, on voit la vanité de Lancelot dans son rôle de chevalier errant, où il supporte pas il supporte pas d'être comparé aux autres ou d'être mis sur le même rang qu'eux. Et puis Perceval, on voit que même si c'est un peu une blette, il arrive quand même à faire des trucs de temps en temps. Il n'arrive pas à dire son nom, mais apparemment, il a quand même réussi à faire un truc. Puis, dès le début, même dès l'épisode, le fameux épisode de la tarte, on a le thème de la stérilité d'Arthur et Guenièvre qui est mis sur le tapis. Donc c'est vrai que, d'un côté, clairement, le projet d'Alexandre Astier a beaucoup bougé, mais dès le début, on voit certains des gros thèmes qui sont déjà... dans l'ADN de la série. C'est un des auteurs que je cite à chaque fois, donc je suis désolée, mais c'est T.H. White qui, quand il réécrit justement la légende arthurienne dans les années 30 et 40, dit que la légende arthurienne, c'est une des plus grandes tragédies de l'histoire. Et toute l'histoire de comment ça va mal finir, parce qu'on a beau avoir toute cette... Tu disais qu'Arthur, c'était un idéaliste, en tout cas, sur la démocratie. On sait très bien que la table ronde, que la quête du Graal, etc., même si ça aboutit, ça ne peut pas perdurer. Donc on a cette idée de bulle, d'optimisme, d'idéalisme, etc., qui va forcément éclater à un moment. Et ce qui fait que dans Kaamelott, même si on n'en a pas forcément conscience, quand on regarde les premiers épisodes, quand on ne connaît pas forcément cette légende, et la chute Arthur, cette fin, ce démantèlement de la table ronde et cette série de trahisons d'ailleurs qui apparaissent, ça c'est déjà contenu en germe dès le début, Alors, on le retrouve à travers, tu le disais, hein, des petites références, à travers certaines répliques, etc. Mais ce qui fait qu'on a construit au début tout un monde de comédie et de gags, hein, parce que dans les premiers épisodes, on a quand même pas mal de gags comme ça qui se terminent, qui permettent de clore d'ailleurs les épisodes. Mais on a construit tout ce monde de comédie sur une légende, sur un terreau, en fait, qui est condamné à l'échec, telle que la légende est traditionnellement représentée. Donc, c'était déjà ambitieux de représenter ça de façon humoristique, et ça explique aussi ce virage qu'a pu prendre la légende par la suite, auquel s'ajoutent aussi toutes les problématiques chères à Asti. On a évoqué l'éducation, on a évoqué indirectement la question de la stérilité, de la mortalité infantile, malheureusement. Donc, ça fait partie de ces thématiques qu'il injecte pour... faire ressortir en fait ce tragique dans la légende, mais ce tragique qui était déjà présent en germe. Je pense, j'avais écrit dans le conducteur, parce que je suis toujours très... j'utilise pas toujours les bons mots, j'avais parlé d'humour guignolesque, je pense qu'il y en a un peu, mais c'est pas le premier. Florian n'était pas tout à fait d'accord, et je pense que c'est vrai que c'est pas le premier. Disons, pour un Lyonnais, c'est assez logique. C'est assez logique pour un Lyonnais. Mais c'est clair que le plus gros axe comique de Kaamelott, c'est le côté burlesque. C'est assez littéralement la définition du burlesque. C'est des actes qui sont censés être épiques, glorieux, magnifiés, mais on va les raconter d'une façon mondaine et même un peu vulgaire. Après, je sais pas si c'est principalement le ressort comique ou si ça, c'est plutôt dans C'est le ton. C'est le ton, mais j'ai l'impression que le ressort comique en lui-même est pas tellement dans, par exemple, on avait vu une opérette qui s'appelait Les Chevaliers de la Table Ronde, qui est une opérette d'Hervé, ouais, qui invoque vraiment des chevaliers qui sont censés être épiques, mais qui sont en fait, qui ne le sont pas tellement, mais dans l'action. Alors que là, le ressort comique, c'est quand même beaucoup dans le dialogue, dans la discussion, dans l'humour des mots, des situations un peu. Pas tellement. Disons, c'est un ressort comique pour l'ensemble de la série, pour l'univers en lui-même. C'est drôle de voir effectivement des chevaliers qui se foutent sur la gueule pour des tartes au lieu de se foutre sur la gueule pour le Graal. Mais quelque part, c'est aussi le pain et le beurre, si on veut, de l'humour de Kaamelott. La ration quotidienne, c'est vraiment dans l'écriture et dans les dialogues et dans le contraste de la langue même avec l'environnement, pour revenir sur quelque chose qu'on mentionnait au début. Bon, y a beaucoup de blagues où justement ça va être sur pas forcément des calembours, mais des quiproquos. Genre une des blagues qui, je pense, c'est à peu près un épisode sur deux, c'est justement le personnage qui comprend pas un mot ou qui comprend un mot dans un autre sens ou qui comprend pas. Donc beaucoup de quiproquos, comme beaucoup de ces situations où un personnage comprend pas alors qu'il y a un personnage qui essaie de lui expliquer quelque chose. Moi, personnellement, mon introduction, j'en avais déjà parlé avec William Blanc dans cette émission, mon introduction à la légende arthurienne, c'était à partir du monde scout, en fait. J'étais dans une troupe d'éclaireurs, la troupe Perceval, et puis c'est là où j'avais commencé à, justement, m'intéresser. Quelqu'un m'avait offert le conte du Graal, puis je l'avais lu, puis on regardait Kaamelott. Et honnêtement, l'humour de Kaamelott, il est très scout-compatible. Genre, les situations du monde scout sont assez compatibles avec ça, je pense, en partie parce qu'il y a beaucoup de personnages qui se comportent littéralement comme des enfants. Donc, ça crée un peu ce cadre-là, où on a le cadre un peu frustrant. Mais même parce qu'il y a plein d'épisodes où le sujet, c'est on va aller c'est littéralement le camping. C'est des gens qui dorment dans la forêt, puis qui n'arrivent pas à dormir, et puis qui parlent dans la tente. Ou alors on est dans la forêt, puis on a oublié les cartes, ou bien on s'est paumé, on ne sait pas comment revenir. Il y a beaucoup d'épisodes où vraiment, il y avait... pour moi, ça formait un peu... Ça marchait assez bien avec, en fait. C'est ce côté épique, mais sans avoir les batailles, la guerre... qu'on retrouverait dans une œuvre arthurienne, peut-être plus à l'image du Kaamelott, mais aussi d'Excalibur de Bormann, par exemple, on va avoir inévitablement des scènes de bataille, des scènes de conflit, alors que là, on ne les a pas. Ou on les a, mais elles sont très très mineures, elles sont amenées de façon beaucoup plus... on en voit l'après, on voit la distance, on voit le rapport lointain de toutes ces scènes de bataille, on les voit en train de faire l'état-major, mais on ne voit pas l'action elle-même. C'est inévitable que, effectivement, c'est assez intéressant qu'on se retrouve avec quelque chose de proche du... des tropes scouts, en fait. On a une focalisation sur tout l'autour, hein, à côté de l'épique. Hein, c'est epic adjacent, j'aime bien cette expression. C'est un autre point de vue, justement. C'est tout l'intérêt aussi de Kaamelott. Hein, c'est un point de vue décalé, d'un point de vue, j'ai envie de dire, d'un sens très géographique du terme, un point de vue décalé sur l'épique. C'est-à-dire qu'au lieu de filmer la bataille, on filme la troupe de commandement, au lieu de le plan de bataille et ou les conséquences de la bataille parce que on a mangé des champignons, etc. Là encore une fois, on est très sur le burlesque qui amène au trivial, mais C'est une façon de représenter l'épic sans le représenter parce que on lui tourne toujours le dos, on est toujours un petit peu en décalage par rapport à ça. Et c'est aussi une des façons qu'a Kaamelott de lier cette tradition médiévale du roman de chevalerie, du roman épique à peut connaître nous plus directement, alors soit par une expérience de scout, soit par les dîners en famille ou des réunions avec les collègues. On a évoqué tous ces aspects-là et c'est la façon de réussir à concilier les deux de façon à ce que ce soit non seulement intéressant et pertinent, mais de façon à ce que ce soit cohérent à l'histoire. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de déplacé. On est sur une autre facette de la légende arthurienne qui avait été peu racontée jusqu'ici et entre autres que ça marche. Ouais. Après, moi, il y a des épisodes où je les ai vraiment vécu dans la vraie vie, genre le Caradoc qui est là, il y a des spectres, ils veulent me buter et qui crient parce qu'il est insomniaque et qu'il a des cauchemars. Bah, moi, c'est un truc que j'ai déjà vécu dans le, disons, dans le monde scout où voilà, il y en a un qui fait des cauchemars. Donc, ouais, après, c'est clair que beaucoup de gens vont. Je veux dire, ça s'adresse à un public. Je pense que beaucoup des gens qui sont fans de Kaamelott, c'est un public un peu justement, comme on disait avant, un public adolescent. En tout cas a commencé à être intéressé dans Kaamelott à l'adolescence. Puis je pense qu'il y a un côté un peu comment dire, ce que je disais avant, bon, Kaamelott c'est un des péchés, c'est peut-être pas un péché capital, mais un des péchés capitaux du cinéma français, c'est disons ce que François Perrus remarquait, c'est y a toujours des scènes où les gens sont en train de bouffer, ça c'est assez courant. C'est un peu, c'est comme quand tu fais de l'improvisation théâtrale, on dit toujours, il faut que, si tu sais pas quoi faire sur scène, fais un truc, parce que ça te donne au moins un truc un peu actif, soit en train de creuser, ou de... Puis dans le cinéma français, on aime bien mettre les gens en train de bouffer, parce que comme ça, au moins, ils font quelque chose. Ça donne un peu de texture à la scène, et puis aussi, ils ont la bouche pleine. Et puis, Kaamelott, la bouffe, c'est vraiment devenu, basiquement, un personnage, hein. C'est le sujet de plusieurs épisodes, ça devient... Mais il y a ce côté un peu bizarre, où, basiquement... Je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que c'est une comparaison à faire avec Boulet, je sais pas si vous voyez l'auteur de BD qui parlait d'un phénomène un peu similaire. C'est que vous avez ce côté où on va voir Caradoc qui est là, le gras c'est la vie, il faut manger du saucisson, etc. Et puis on parle des banquets qui durent des heures, les gens qui bouffent X quantité de porc pendant le banquet. Mais je veux dire, c'est jamais présenté comme étant quelque chose de... Enfin, c'est un peu le cul de la blague, quoi. Genre, quand on parle du maître d'armes qui bouffe que des graines, c'est pas vraiment le maître d'armes qui est ridicule, c'est plus le régime alimentaire de Kaamelott, où ils passent leur temps à se goinfrer de barbecue. Et pourtant, il y a eu cette espèce de truc où, je sais pas, dans le public, il y a les gens qui ont vraiment retenu qu'en fait, non... j'aime bien Kaamelott, j'aime bien le saucisson, et puis d'ailleurs, j'aime bien bouffer du pain et du fromage, et puis... Il y a Boulet qui parlait de ça, où il avait fait une BD où il disait, genre, la viande, c'est la vie, un steak, ça nous parle, j'ai l'impression d'être un raptor ou un chasseur primitif, alors qu'un yaourt au soja, c'est pas terrible. Mais il était pas là en train de dire que c'était bien, il était en train de dire, ouais, c'est marrant que, il y a des différentes bouffes qui ont différents charismes, et puis c'est vrai qu'il y a certaines bouffes qui ont un certain appel... qui n'est pas forcément rationnel, qui n'est pas forcément bien. Puis il y a des gens qui venaient le voir et qui disaient « Ah ouais, je trouve que t'as raison, moi aussi j'ai envie de buter les véganes, et puis je bouffe que de la viande et tout. » Alors que Boulet lui-même est végan. Voilà, il était un peu choqué de voir ça. Puis je trouve qu'Kaamelott, il y a un peu un truc similaire sur différents sujets, où l'humour de base, en fait, n'est pas vraiment méchant, ou il n'est pas vraiment orienté comme ça, mais les gens le perçoivent comme ça. J'ai vu des gens qui disaient « Ah là, genre, ouais, Kaamelott a raison, les gens ils se révoltent sans raison, etc. Les paysans, ils savent pas ce qu'ils veulent, c'est comme... les grévistes en France, il y a trop de grèves, ou basiquement une des rares passerelles de Kaamelott avec Caméra Café, c'est un peu les blagues sur le syndicalisme. Et je sais pas, il y a des gens qui l'ont pris sérieusement, alors que je crois pas que ce soit le but d'Acier, je pense justement la blague c'est que c'est un registre différent. C'est drôle d'avoir le langage du syndicalisme à la table ronde, c'est drôle en soi parce que c'est deux mondes complètement différents. Et c'est aussi intéressant parce que ça montre un peu aussi l'hypocrisie d'Arthur, qui est ce personnage absolument idéaliste pour son époque sur plein des points, mais qui est quand même un personnage qui tire beaucoup à son autorité de petit chef et qui ne va pas... Non oui, mais ça fait partie de la blague. Ça fait partie de la blague aussi. C'est ça qui est... Moi je veux dire, j'aime bien, mais je sais pas, je pense pas qu'il y ait un message justement sur le syndicalisme. Et pourtant, le problème de cet humour un peu de milieu de chemin, c'est d'une part, c'est vrai qu'il vieillit pas, mais aussi qu'on peut toujours un peu y lire ce qu'on veut, en fait. On partit en partie peut-être la popularité aussi, d'ailleurs. Mais en l'occurrence, je pense que c'est une qualité pour ce style d'écriture, parce qu'en remettant toute la série, justement, je dis, en fait, ça marche relativement bien, là où, par exemple, on parle beaucoup de Caméra Café, mais dans Caméra Café, par exemple, ça aurait été, c'est quelque chose qui est où le même genre de blague serait fait avec un petit peu moins de subtilité parfois. Après, le truc, c'est que sur la question de si est-ce que Kaamelott est une parodie, je pense qu'il y a un des trucs sur lesquels on s'oriente avec l'émission Rex Condam, Rex Quae Futurus, c'est que très souvent on aborde un texte, puis donc on va prendre une édition du texte, on va le lire, on va en parler, et globalement on va lire la préface, et puis souvent dans la préface, quelqu'un va dire, bah, ça va être un roman français en vers, une aventure isolée d'un chevalier, puis dans la préface, quelqu'un va dire, ah ben là, cette œuvre, elle est quasiment parodique, ou bien elle est parodique, ou bien elle est un peu satirique sur le genre, il pousse les clichés jusqu'au bout. Et le truc, c'est que, en fait, quand vous fouillez un peu, vous vous rendez compte qu'ils disent ça pour toutes les œuvres, en fait. Genre, toutes les œuvres arthuriennes en vers, françaises, du Moyen-Âge, basiquement, tout le monde va dire, ah ben, il y a une dimension parodique. Mais c'est pas qu'il y a une dimension parodique, c'est qu'il y a de l'humour, en fait. Même Chrétien de Troyes, il a beaucoup d'humour par rapport au sujet qu'il met en scène, ses imitateurs, ils ont beaucoup d'humour, et c'est vrai que parfois, il force un peu le trait, mais je crois que, justement... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a tendance à, dès qu'on voit de l'humour, à dire ah bah c'est une parodie, mais je veux dire, c'est pas, je sais pas, je trouve que c'est un peu pas la bonne catégorie. Il y a sans doute des romans non arthuriens plus premier degré. C'est vrai que c'est assez intéressant ce que tu dis. J'ai pas lu beaucoup de textes. Hein. Alors, c'est sans doute Justine et Florent qui seront peut-être plus compétents que moi là-dedans. Moi, je suis surtout spécialiste pour tout ce qui est de l'anglais. Mais c'est vrai qu'on remarque dans certains textes non arthuriens peut-être plus de sincérité en anglais et que les textes arthuriens vont peut-être avoir un second degré plus grand. Après, en général, ça se retrouve moins dans les textes anglais que les textes français, de toute façon, ce second degré arthurien, comme tu disais. C'est aussi par opposition avec une perception de ces textes comme de l'histoire pure et simple, alors qui est parfois le cas, hein, certains manuscrits de chrétiens, insèrent chrétiens en fait au milieu de Geoffrey, ou de Wasp plutôt que de Geoffrey d'ailleurs. Sans le moindre problème, alors que peut-être, voilà, à d'autres moments, c'est peut-être une vision, on sait que c'est pas de l'histoire totalement réelle, et donc du coup, on peut avoir une distance et un humour par rapport à ça. Mais c'est vrai que le Kaamelott, par moment, attrape finalement ce côté, ah, c'est la table ronde, mais parodique, alors qu'au final, parfois, les ressorts comiques, en fait, de Kaamelott sont littéralement des ressorts comiques qu'on retrouverait dans un roman arthurien, en fait. Les confusions de Perceval, par exemple, c'est un gros ressort comique du conte du Graal. Et c'est aussi quelque chose dans Kaamelott. Perceval qui est un peu bébête par moments et qui ne comprend pas très bien tout ce qu'on lui dit, mais qui veut faire de son mieux, c'est un ressort du personnage même de Perceval et qui peut être peut-être lu facilement comme de la parodie dans Kaamelott, alors qu'en fait, c'est pas une parodie. Kaamelott sort pas de nulle part, mais s'appuie vraiment sur, parfois sur une lecture très fine, hein, d'ailleurs, des textes. Et cette représentation de Perceval, ça en fait vraiment, vraiment partie. On va retrouver naïf et du coup, du côté plus décalé aussi du personnage qui n'a pas du tout conscience des codes du monde dans lequel il arrive. Donc, ce qui fait que Kaamelott s'inscrit vraiment là dans cette tradition, mais cette tradition de lecture humoristique est peut-être pas forcément très connue non plus, notamment du grand public ou des médias. Fait que voilà, on n'a pas forcément cet accès cette facette des textes. On a tendance à limiter les textes, certains textes arthuriens en tout cas, à une vision très très épique qui, pour beaucoup, une vision épique n'est pas compatible avec un traitement humoristique. Or, on sait que c'est pas le cas, mais voilà, c'est partie des considérations qu'on peut retrouver encore très souvent. Oui, après c'est vrai que c'est pas non plus. C'est ça, pour beaucoup, la perception du monde arthurien est filtrée tout à fait à travers une quantité de médias qui est intervenue, de médias aussi bien littéraires que télévisuels, que cinématographiques, qui sont intervenus depuis le Moyen-Âge. Je pense que pour beaucoup, on est peut-être plus familier avec un Arthur tel qu'on le voit dans Excalibur, bon, qui n'est pas sans humour, hein, non plus. Excalibur de Bourman, c'est aussi drôle par moments. Il y a aussi des moments, surtout avec Merlin, par exemple, qui sont assez comiques. Mais il y a peut-être effectivement une lecture qui est manquante, mais qui du coup c'est presque c'est pas dommage parce que c'est pas vraiment un problème en soi, mais c'est intéressant que Kaamelott peut-être amène ça et que c'est un peu l'air d'être bah ah oui parce que c'est une série comique, c'est une série drôle, c'est nécessairement parodique et c'est quelque chose qui est pas perçu. Alors après peut-être que justement l'intérêt de Kaamelott c'est que ça va aussi amener les gens à ça et que ça amène un intérêt disons non seulement pour le monde arthurien en général mais aussi pour les ressorts narratifs du monde arthurien médiéval, par exemple. Du coup, je pense aussi, comme tu le dis Antoine, une des forces en fait de Kaamelott, c'est d'avoir en fait ce contraste, parce que le comique, ça permet aussi de vous prendre par surprise quand d'un seul coup l'épisode tourne dramatique. Vous avez un des des épisodes avec Perceval qui dit bah, « Sire, vous pouvez m'expliquer un truc ?» Puis c'est le cinquième qu'on voit comme ça. Puis il dit bah, « J'aimerais que vous m'aidiez à expliquer. Il y a ma grand-mère, elle va crever. Puis elle aimerait expliquer à ses enfants qu'elle n'a pas toujours pu être là pour eux, mais qu'elle a fait son maximum. » Puis bon, ça vous prend un peu par surprise en embuscade. L'épisode des marionnettes, pareil. On sait que c'est dramatique parce qu'il y a une musique dramatique qui vient par-dessus et puis qui vous dit que la scène est dramatique. L'épisode de Tégérion avant ça... Et ce genre de côté très aigre-doux, qui je pense est une des grandes forces de Kaamelott, en fait, c'est de préparer le terrain avec cette espèce de déconnade permanente. Puis ben, quand vous y attendez pas, ben, y a une espèce de réalité beaucoup plus triste qui utilise ce moment-là pour vous faire basculer dans « Merde, je suis en train de ressentir une émotion ». Puis ça va être la grande force de Kaamelott, tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir continuer à examiner au sujet des deux saisons qui font un peu bande à part, la saison 5 et la saison 6, dans notre prochain épisode, avant qu'on aborde, si on voit un jour ce film de Kaamelott au cinéma, ce qu'il va devenir. En tout cas, j'aimerais remercier Florian Besson et Justine Breton de nous avoir rejoints aujourd'hui pour discuter de ça. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et on espère vous retrouver, si c'est possible, si on arrive à trouver un moment, pour discuter de la suite, si les emplois du temps, les pandémies mondiales, la fin de Radio Kawa permettent, dans ce cataclysme permanent, de nous trouver un moment. On sera ravis de vous revoir. Je rappelle que vous avez dirigé un colloque et le livre « Les actes du colloque qui en sont tirés », Kaamelott, un livre d'histoire aux éditions Vendemiaire, une lecture assez intéressante pour qui s'intéresse au contexte historique et littéraire d'écriture de Kaamelott sur ses références et sa représentation du passé, ainsi qu'un livre aux éditions PUF et Presse Universitaire de France sur Game of Thrones, une histoire de feu et de sang sur la série télévisée et la série de livres à succès et ses connexions aussi au Moyen-Âge réel ou imaginé. Et si vous avez encore des projets personnels à pluguer, c'est aussi le moment, hein, si vous voulez, vous avez encore un autre livre à promouvoir, ou un site, ou un autre podcast que vous voudriez promouvoir, c'est le moment. Moi, c'est bon. Mais... à notre petit public. C'est bon, les prochains livres, il faut qu'on les écrive déjà, donc on verra. Voilà. C'est vrai que vous avez déjà pas mal derrière vous, là, maintenant... Vous méritez aussi du repos, hein. voilà, des vacances. Sans qu'on vous harcèle. Reviendra tous les ans pour un nouvel épisode. Ouais, ça va. En tout cas, merci beaucoup, effectivement, et à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la quête continue.